Bienvenue à Objectif Numérique, 8e épisode qui portera sur les accessoires. Aujourd'hui, on n'a pas l'équipe habituelle. François est absent. Mais j'ai avec moi Christian Jarry. Bonsoir. Bonsoir. Et notre invité, Alexandre Vallière-Lagacé. Bonjour. Pour commencer, justement, avant de poser nos questions à l'invité, je vais juste mentionner, c'est ça, on avait reçu une question de Steve Lévesque via Twitter qui nous demandait à quoi sert le mode ADEP ou ADEP sur les appareils et notamment les appareils Canon. Je crois que c'est un mode exclusif au Canon. En effet. Et on va y répondre tout à l'heure. Et une autre question de Jérém via notre page Facebook. Comment obtenir des bleus et des verts éclatants en photo de paysage sans utiliser un logiciel de post-production, un logiciel de retouche? Donc, on va répondre à ces deux questions en cours d'émission. Donc, Alexandre, bienvenue à l'émission. Bien, merci. On va y aller avec quelques petites questions rapides. D'abord, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la photographie? Des enfants. Oui, je pense que c'est la personne. C'est un peu classique. Quand j'ai eu ma première fille, je me suis acheté un petit Fuji. Mm-hmm. J'ai été mal conseillé. J'ai pris plus de mégapixels versus... C'était 2 mégapixels versus un Canon qui avait 1.3 mégapixels, mm-hmm. qui faisait des beaucoup plus belles photos. Mais bon, j'avais pris le Fuji. Le vendeur était plus convaincant. Je connaissais absolument rien à ça. Mm-hmm. Donc, ça a été ma première caméra. Puis, un peu peut-être un an et demi, deux ans après, là, j'ai pris ma petite 400D que j'ai magasinée comme un fou. Que j'ai reçu un rabais incroyable avec Astral Photo, qui n'existe plus aujourd'hui, je pense. Mm-hmm. Puis depuis ce temps-là, j'ai le même appareil. Là. Donc, okay. Canon 400D, là, le XTi. Parfait. Puis aujourd'hui, on va parler d'accessoires. Alors, quels accessoires tu vas nous présenter? Ben, en tant que geek et fan de tout ces gadgets, j'ai un classique, le Lens Pen, qui est un crayon pour nettoyer. Mm-hmm. J'ai le Lens Baby Composer, qui est une lentille artistique avec beaucoup de possibilités, mais beaucoup de défauts aussi en même temps. Okay. Une strap. Une courroie. Une courroie, exactement. Merci pour le mot. Une courroie à déploiement rapide, si on veut, okay. pour pouvoir rapidement passer de la position de l'appareil à la hanche vers la position de prise de photo. Parfait. Puis le Light Scoop, qui est une espèce de petit miroir magique qui permet de faire rebondir le flash intégré à l'appareil DSLR. Et finalement, un trépied très petit, très compact, à peine plus grand qu'un iPad, avec ses avantages et inconvénients. Excellent. Alors, donc, pas mal d'accessoires. Et puis, moi aussi, je vais vous parler d'un bouchon d'objectif. Et puis, je parlerai plus en détail des trépieds. Puis, Christian, toi, tu vas nous faire la fameuse critique. Et oui, la X100, la Fujifilm X100. Parfait. Que j'ai depuis deux semaines, c'est quoi, c'est trois semaines. Trois semaines, trois oui. Trois semaines, mais oui, ça passe vite, hein. C'est... mais oui, je vais vous parler de ce petit bijou, comment je pourrais dire, une expression en anglais de diamond in the rough, là. C'est un bijou, ouais. Mais faut vivre avec ses défauts, ses qualités, ouais, en tout cas, ouais. J'en parlerai en détail. Parfait. On va aussi aborder les nouveaux appareils qui sont annoncés ou qui sortent là, au cours des prochaines semaines. J'en ai plusieurs pour vous, quelques-uns qui ont accroché mon œil. Notamment le Nikon D600 puis le Canon 6D. Oui, exact. C'est les deux gros, je dirais, qui ont été annoncés, mais il y en a quand même plusieurs assez spéciaux aussi qui ont été annoncés. Parfait. Puis tu vas nous parler aussi de... Tu vas nous expliquer l'exif, hein? Oui, ben vous allez voir, honnêtement, c'est pas un sujet qui est très très long ou qui est très complexe, mais qui est très utile à mon humble opinion. Je m'en suis servi une couple de fois là dans le passé, c'est quelque chose qui peut être assez commode. Parfait. Donc sans plus tarder, on va aborder les premiers sujets. Donc, à la question de Steve Lévesque via Twitter, qu'est-ce que le ADEP ou le ADEP? Je vais laisser la parole à Christian. Je dois me confesser que je ne savais pas moi-même qu'est-ce que c'était. J'ai jamais vraiment utilisé. Ben en fait, comme je confessais aussi un peu avant le podcast, c'est que les seules fois que je m'en suis servi, c'est je me suis rendu compte que le flash ne fonctionnait pas quand on l'utilisait. Mm-hmm. Fait que pour moi, ça a été quand même utile. Entre autres, j'étais allé dans un musée pas le droit de flash. Je l'ai utilisé presque tout pour faire ça, mais je savais même pas honnêtement qu'est-ce que ça faisait dans ce temps-là. Je me suis juste rendu compte, ça doit être le mode sans flash, puis ça réglait le problème. Petite parenthèse, la fameuse restriction des flashs dans les musées, on en reparlera un moment donné. Oui, je sais, ouais, c'est faux, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est une bonne idée, ça, c'est vrai, on pourrait l'aborder, en tout cas. Donc, bref, c'est ça. Puis je me suis mis à chercher un petit peu sur Internet qu'est-ce que c'était. Finalement, ce que j'ai découvert, c'est que c'est Automatic Field of Depth ou la profondeur de champ automatique. Ce que ça devrait normalement nous faire, c'est nous permettre d'avoir une profondeur de champ dans les photos qu'on prend. Exemple, ce que ça fait, c'est que ça prend deux points d'autofocus, le plus près et le plus loin. Puis, la caméra place la distance de focalisation entre les deux points pour avoir une profondeur de champ. Si c'est relativement assez vague, comprenez-moi, moi-même, là, il a fallu que je le relise 4-5 fois pour comprendre exactement qu'est-ce que c'est supposé faire. Dans le fond, c'est un mode automatique pour avoir une profondeur de champ et ne pas utiliser le flash. Moi, rapidement, là, c'est comme ça que je l'ai interprété. Une profondeur de champ optimale, probablement. Aussi, les deux points de focus sont rapprochés, la profondeur de champ... C'est ça qui est comme pas super clair. Puis j'avais pas mon appareil sur moi, fait que j'ai pas particulièrement pu le vérifier. Mais en tout cas... En théorie, c'est ça, c'est un mode automatique. Fait que, comme c'est un mode automatique, ben, ça a des bons pis ça a des mauvais côtés. Ce que j'ai lu le plus souvent, c'est que le problème majeur de tout ça, ça a tendance à avoir des vitesses assez lentes à 30, 40 ou 60. Fait que ça veut dire que si on tient l'appareil, il y a bien des chances qu'on ait des bougies. C'est-à-dire que des flous de bouger, ouais. Exactement. Que ça soit, parce qu'on a bougé un petit peu. Donc, tout sera pas tout à fait au focus, même si normalement, ça devrait l'être. Je dirais que c'est surtout ça le plus gros défaut de ça. Moi, j'avoue que je vois pas particulièrement l'intérêt de ce mode-là. Essayez-le si vous le voulez. C'est juste les Canon qui l'ont, ce mode-là, mais en tout cas... Je viens de penser à une utilité potentielle. C'est peut-être si tu photographies plusieurs personnes et qu'ils sont pas sur le même plan, donc sur la même ligne d'horizon, si tu veux, s'ils sont décalés en profondeur... Il avait l'air de... Comme je dis, j'ai pas pu le tester, fait que je peux pas vraiment dire, mais les sites que j'ai vus avaient l'air de dire que c'est vraiment très limité parce que ça fonctionne très moyennement. Ouais, c'est ça. Faut trouver vraiment l'application pour l'utiliser. Ouais, c'est ça. C'est plus que quelque chose comme, comment je pourrais dire, un paysage ou une affaire comme ça que ça pourrait peut-être fonctionner. Mais il y a peut-être une contradiction sur un autre site qui disait que c'est toi qui peux choisir les points d'autofocus. Si c'est le cas, là, je le vois un peu plus l'intérêt. Mais comme je disais, je l'ai pas, fait j'ai pas pu le voir, puis je l'ai vu juste à un endroit, ça fait. Alors, on vous invite à le tester, chers auditeurs, ceux qui ont des appareils Canon, parce que c'est un mode réservé aux appareils Canon. Et faites-nous part de vos découvertes sur notre page Facebook. Tiens, ça serait à la suite des notes d'émission quand ils seront publiés. Vous allez poster un petit commentaire et puis vous nous dites. Je ferai la même chose, tiens, je vais l'essayer moi avec, voir qu'est-ce que ça donne. Mais comme je vous dis, fâchez-vous pas, frustrez-vous pas, parce que j'ai vu beaucoup de monde qui disait que c'est pas facile à utiliser, ça semble pas être super intuitif, puis beaucoup de monde disait que, ben, pour vous donner une idée, les caméras 1D, les professionnels de Canon, l'ont même pas le mode. Fait que d'habitude, c'est quand même assez clair que c'est pas quelque chose de super. Non, c'est ça. Mais l'idéal pour choisir sa profondeur de champ, c'est d'utiliser un site comme duffmaster.com, dont on a déjà parlé, puis de vérifier avec son objectif, puis la focale qu'on va utiliser, puis l'ouverture, quelle profondeur de champ ça va nous donner. Puis là, à ce moment-là, on va déjà avoir fait le calcul finalement. Là, on n'aura pas besoin de se fier à un mode automatique. En effet. Donc, en tout cas, c'est quand même quelque chose à expérimenter. Ouais, c'est ça, expérimentez-le. Je veux dire, moi, je l'avoue, j'ai jamais utilisé, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'utilité pour. Je sais pas. Donnez-nous un commentaire, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Je suis curieux moi-même. Ben oui. Moi, en ce qui concerne la question de Jérém via Facebook, il voulait savoir donc comment obtenir des couleurs riches pour le ciel et la verdure en photo de paysage. Donc, évidemment, ben, il y a plusieurs façons de parvenir à ça. La première, ce serait probablement l'utilisation d'un filtre polarisant. Donc, évidemment, selon la position du soleil, là, le filtre peut augmenter le bleu du ciel, rehausser les couleurs dans la verdure. Et puis, sinon, ben, il y a évidemment la position du soleil dans le ciel, tout simplement, à l'aube ou au crépuscule. Ben, en fait, un peu après l'aube ou avant le crépuscule, quand le soleil est quand même un petit peu plus haut dans le ciel, là, on obtient une lumière plus directe sur le sujet. Donc, ça améliore la richesse des couleurs là, dans les clichés. Ensuite de ça, bon, il y a l'utilisation de certains paramètres à même l'appareil photo. Il faudrait voir le manuel d'utilisation, mais généralement, on parle de changer le contraste, la netteté ou certaines couleurs, donc selon les paramètres accessibles au niveau de l'appareil. Vous pouvez aller voir sur le site du manufacturier ou dans le manuel de votre appareil, puis normalement, ou même faire une recherche sur Google, et puis normalement, vous allez être en mesure de savoir comment changer ces paramètres-là. Principalement, je vous dirais que c'est les trois façons là, les plus simples que j'ai trouvé. Là. Je sais pas si... En effet, c'est pas mal la même chose pour moi. Moi, je dirais que vraiment, le bleu en particulier, là, c'est le filtre polarisant. Mm-hmm. À part ça, là, pour le ciel, là, c'est pas évident. Le vert, par contre, quand on change, comme tu disais, les contrastes, les couleurs, etc., les modes, mettons, que ce soit une nature... Le mien, je pense que c'est nature, c'est paysage... portrait ou quelque chose standard ou neutre, etc., mm-hmm. monochrome. Ben, moi, je joue beaucoup avec. Mm-hmm. Je joue beaucoup avec, ça donne vraiment des bons résultats. Mais tu vois, moi, je joue jamais avec ça, donc je devrais peut-être commencer à expérimenter un peu plus. Oui, c'est intéressant. Puis, entre autres, une affaire, moi, j'haïs pas la photo noir et blanc, puis je vous le conseille si vous voulez le faire. Il y a un mode noir et blanc, puis l'avantage, c'est qu'elle sort tout de suite noir et blanc, oui. On sait tout de suite c'est quoi les contrastes, les affaires. Et le résultat est meilleur que de la transformer en noir et blanc dans Photoshop ou logiciel. Je sais pas, j'ai eu des très bons résultats des deux bords. C'est juste que c'est plus facile à planifier quand tu le vois déjà en noir aussi, et blanc. Oui, oui. Quand tu le vois déjà en noir et blanc, tu sais, tu vois les choses, tu peux tout de suite savoir, bon, ben, ok, parfait, je vais peut-être juste me déplacer un petit peu parce que telle zone, j'aimerais ça qu'elle soit plus foncée et tout ça. Quand c'est en couleur, t'as pas le même résultat vraiment. Fait que mm-hmm. Faut que tu aies un bon œil, mettons. Faut que tu vois vraiment les ombres de foncé versus le pâle, puis tout ça. Ouais. Puis c'est sûr que noir et blanc, ben, t'en as deux couleurs. Le gris, dans le sens que c'est plus limité. Fait que c'est plus facile à juger tout de suite c'est quoi les couleurs. Mm-hmm. Mais. En post-prod, tu vois, moi, en post-prod, je préfère plus le jouer en post-prod parce que tu peux justement, sans t'approcher du noir et blanc totalement parfait, y aller graduel. Puis tu vas avoir un. Pas des tons, mais pas de la couleur, mais la juste couleur comme délavée. J'ai des excellents résultats. Je pourrais vous montrer des photos qui ont été faites en post-prod en noir et blanc, puis je suis très, très fier du résultat. Mm-hmm. Mais j'en ai d'autres que j'ai pris en noir et blanc, puis eux autres aussi. Les deux ont leurs avantages, versus l'un versus l'autre, mais en tout cas, il n'y a pas de... Comme d'habitude, tout est dans une question de qu'est-ce qui est utile au moment où ce que vous êtes là, puis qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez atteindre. C'est sûr que si votre plan est vraiment de faire une photo en noir et blanc, je vous conseille de la prendre en noir et blanc. Mm-hmm. Si vous voyez une photo, vous dites « Ah, ça serait peut-être intéressant de la mettre en noir et blanc », ben là, oui, là, c'est sûr que... Mais l'autre avantage aussi en noir et blanc, c'est quand on fait en noir et blanc, c'est de se forcer à travailler la lumière plus que dire « Ah, oh, on y va en post-prod, puis on arrangera ça après ». Exact, ça c'est vrai. Ça nous force à travailler plus la photographie. Hein. Parfait. Donc, on va maintenant passer à la critique du Fujifilm X100. Oui. Donc, je vais vous parler de cette petite caméra qui m'a fait tomber en amour et m'a fait rager en même temps. Je dirais que c'est une caméra qui est très, très bonne. J'ai beaucoup aimé le design. J'ai beaucoup aimé l'ergonomie, tout ça. Si on connaît le moindrement la photographie, si on vient de l'argentique, c'est quelque chose qui est très, très facile à utiliser avec le dessus où est-ce qu'on met la vitesse, l'objectif, tout ça. Oui, parce que tout est réglable par des molettes, des roulettes. Là, donc, la vitesse, l'exposition, en tout cas, il y a un paquet de trucs. Là, c'est ça. J'ai trouvé que c'était très, très, très facile à utiliser. Mm-hmm. Elle est robuste. Le boîtier a l'air en métal. Je l'ai pas échappé, j'ai pas essayé. Mm-hmm. Mais quand même, ça donne tout de suite l'impression de quelque chose d'être solide, qu'on peut traîner partout. Elle est pas petite. Je dirais pas que c'est... Ben, c'est pas une compacte, mais c'est pas une 7D non plus. Là. Exact, c'est ça. Je dirais que je l'ai traîné dans mes poches quelques fois. Okay. C'est pas ce qu'il y a de plus commode. Mais par contre, mettons comme la traîner autour du cou, je l'ai faite aussi. Puis ça pèse à rien. Mm-hmm. Elle est relativement assez légère. Ouais. Fait que c'est quelque chose qui est agréable à promener. Et les regards des gens, quand ils te promènent avec ça, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'il fait avec un vieil appareil au cou? » Je dirais que pour ce qui est du design, la très grosse majorité du monde ont été conquis. Il y en a un seul qui m'a passé un commentaire que lui, il a pas du tout aimé. Mais en général, tout le monde m'a dit « Ah, elle paraît bien, elle est fun. » Ça l'attire beaucoup, beaucoup l'œil mm-hmm. comme appareil. Pour ce qui est des spécifications, c'est des assez bonnes spécifications. C'est un sensor de 12 mégapixels. C'est un sensor APS-C, ce qui est à dire que la même chose qu'il y a, mettons, comme dans une 7D ou dans un senseur... un capteur de Rogner, oui. Excusez-moi, un capteur Rogner, t'as parfaitement raison de me corriger. C'est ça, un capteur Rogner. Fait qu'on a quand même quelque chose qui a un potentiel intéressant de qualité. Puis d'ailleurs, ça apparaît beaucoup quand on prend les photos, les couleurs sont belles, on a un très bon niveau de détail. Et ce, même pour des photos prises à basse luminosité, je suis impressionné, je dirais même, et c'est pas peu dire, je pense qu'elle est meilleure que ma 7D. Mm-hmm. J'ai pris des photos équivalentes, là, puis il y a du bruit, c'est sûr et certain. Là, moi, j'ai pris des photos à 3000, à ISO 3200, mais ça compare très favorablement à ma 7D. Mm-hmm. Vraiment, là, je suis agréablement surpris là, là-dessus. Là, j'ai... La rapidité, regarde, je suis pas expert pour le partir là, avec le timer, mais je dirais que c'est à peu près 1.5 secondes pour la démarrer, ce qui est très respectable. Ouais. En tout et partout, là, j'ai calculé que c'est à peu près comme 3 secondes entre le temps de la partir puis prendre sa première photo. Ce qui est rapide, là, c'est... Ouais. Fait qu'on a quelque chose qui est efficace, qui prend des photos rapidement. À focus, assez bien. J'ai pas eu trop de problèmes non plus avec le focus. Du côté automatique, là, ça commence à perdre un peu plus d'intérêt. Là. Si on met, moi, exemple, j'ai mis priorité à l'ouverture ou priorité à la vitesse, les résultats sont moyens. J'ai eu de la misère. Il a fallu... c'est sûr que moi, j'avais un modèle qui avait probablement été dans les mains de bien du monde. Fait qu'à un certain moment donné, là, c'était effrayant. Là, je veux dire, tout était surexposé. Là, ça avait aucun sens. Là. Puis j'avais beau... Il y a une autre molette qui te permet de dire, OK, ben moi, je veux... un peu plus, je le sais déjà que je veux sous-exposer ou surexposer. Oui. Puis même en faisant ça, le résultat était étrange. Là, je comprenais pas. Fait que j'ai fait un reset complètement de la caméra. J'ai tout réinitialisé à zéro. Là, ça marchait mieux. Mais elle avait tendance à surexposer un peu trop à mon goût. J'étais souvent obligé d'y mettre de le réajuster par moi-même. Mais bon. C'est pas la fin du monde quand on sait. C'est une unité de démo qu'on avait, évidemment. Là, c'est ça. Pas un appareil neuf. Exactement. Fait que je veux pas non plus complètement blâmer parce que c'est peut-être pas, comme tu dis, c'est peut-être pas quelque chose qui a rapport avec ça. Un autre affaire, par exemple, que ça, j'ai remarqué beaucoup, la balance des blancs est très, très, très moyenne. Je dirais que si quelqu'un décide de l'acheter, là, essayez-le un peu, là, voir si vos résultats sont bons, parce que dans des critiques, j'ai lu qu'il y avait eu des bons résultats, DP Review, qui d'habitude font des critiques, là. Si vous voulez lire quelque chose de long, allez sur DP Review, là, on parle de critiques entre 15 et 40 pages, là, dépendant des choses. Puis eux autres disaient qu'il y avait eu un assez bon succès avec la balance des blancs. Moi, je dirais que c'est une fois sur deux, c'était pas écœurant. Vraiment, là, à un tel point que la majorité du temps, c'est moi qui la mettais manuelle, tandis que ma 7D, je l'utilise jamais, jamais le manuel. C'est toujours en automatique. Les résultats sont 90% du temps ce que je veux. En dedans, là, particulièrement, là, c'est vraiment pas bon, les résultats, là. Oui, à l'intérieur, t'avais pas... Vraiment pas, non. Okay. Elle avait tendance à avoir beaucoup de couleurs jaunâtres ou tout ça, en dessous des néons. D'habitude, c'est quelque chose qui est assez facile à voir, puis vraiment, là, très, très, très moyen pour la balance des blancs. Comme je dis, c'est pas grave parce qu'on peut le mettre nous-mêmes, on peut le setter, mais ça peut être fatigant quand même. Il y a une des choses qui est intéressante de ça, c'est le fameux capteur viseur hybride, autant optique que numérique. C'est intéressant parce que il y a certains modes qui te permettent, mettons, moi j'avoue que j'ai utilisé plus l'écran que le viseur, ce qui est vraiment pas mon habitude. Moi c'était le contraire, mais... Ben, c'est parce que l'affaire, c'est ce que moi j'ai moins aimé, c'est... Il y a plusieurs modes possibles. On peut utiliser le viseur optique, sauf que là, comme c'est un viseur optique, on n'a aucune information. Moi, je trouve ça un peu frustrant parce que quand t'es habitué, mettons, comme avec ta 7D, ben, t'as ton pose mètre, si t'as ça, là, t'as rien. Là. C'est un petit peu dur. Fait que là, moi, j'ai essayé avec le viseur numérique. Je l'ai trouvé là. Il est correct, là, mais... On voit que, mettons, quand tu tournes de droite à gauche, là, c'est un peu saccadé. Il y a un léger décalage. Fraction de seconde, mais c'est suffisant pour agacer. Exactement. Là. Sauf que si tu fais un pré-focus, on n'enfonce pas complètement le chose. Là, ça devient smooth. C'est comme si ça devenait optique. C'est étrange l'effet que ça donne, mais en tout cas, là, ça devient là parfaitement correct. Je sais pas si c'est quelque chose qui sera à mettre à jour dans le micro-logiciel ou pas. En tout cas, j'en ai aucune idée. J'ai trouvé ça un peu tannant. Fait que j'ai préféré utiliser l'écran. Puis d'autant plus qu'il y a une des choses que je préfère le plus dans ça, il y a un niveau électronique. Très, très, très, très, très commode. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai aussi sur ma 7D, mais mon niveau électronique, faut que je l'active à chaque fois. Fait que c'est pas... Je l'utilise pas tant que ça. Lui, il est automatiquement activé. On le voit toujours. Puis il est facile à utiliser. Je veux dire, si t'es droit, ta ligne est verte. aussi simple que ça. Fait que c'est quelque chose qui est très commode puis que j'utilisais fréquemment. Je m'y fiais beaucoup, beaucoup. Parce que c'est arrivé plusieurs fois qu'en post-production, j'ai été obligé de recorriger mes photos parce que tu prends une photo puis tu veux un horizon puis ton horizon est pas droit. Tu vas à la mer, tu prends une photo puis tu te rends pas compte que la plage est en pente. Puis exactement. Là, tu prends ta photo, l'effet est raté complètement à cause de ça. Non, ça c'est bien. Mais justement, moi aussi sur la 60D, le niveau électronique, je dois ajuster, je dois changer l'affichage à l'écran. Puis là, je dois revenir. C'est comme trop d'étapes. Plutôt que de l'avoir directement dans le viseur, là, ça serait une bonne chose. Bon, l'écran, c'est pas un écran qui est quoi que ce soit, c'est vraiment exceptionnel. Là. C'est un écran de 2.8 pouces, 4600 points. Bon, 460 000 points. 460 000 points. Il n'est pas extraordinaire, mais il fait bien son travail. Je veux dire, il est clair, on n'a pas trop de misère à voir les photos, tout ça. Fait que c'est respectable. J'ai pas rien à me reprocher de ce côté-là. On a un objectif fixe de 35 000, l'équivalent de 35 mm, en fait, à ouverture F2. Ça, par contre, c'est un très, très bon point. C'est génial, ça. C'est génial. En contrepoids, c'est un objectif fixe. Mm-hmm. Ce qui est à dire que t'as pas de zoom. Donc, tu vis avec ce que t'as. Il faut se déplacer, comme on l'a mentionné dans d'autres épisodes. C'est ça. Là, tu... J'ai pris des photos en spectacle, comme je spécifiais, puis... Pour ce qui est du détail, pis tout ça, c'était magnifique. À cause, justement, d'un objectif à F2, on avait un niveau de luminosité assez incroyable. Mais t'es loin, t'es limité par ce que tu peux prendre. Fait que c'est sûr et certain que ce côté-là, pour certains, ça va être intéressant, pour d'autres moins. Je te dirais que c'est dans les points là qui me font hésiter. Là. C'est entre les deux. J'haïs pas, mais je serais pas sûr. Ça serait un... Mais moi, c'est quelque chose qui m'agace souvent. Admettons, si je prends des photos avec mon téléphone, mon iPhone, oui, parfois tu peux faire de belles photos, mais souvent il faut que tu te déplaces. Puis si tu n'as pas la possibilité de te déplacer, ben c'est foutu. Tu as la photo que tu as. Puis... Exactement. Donc cet appareil-là aussi, ça fait de magnifiques photos, mais tu dois constamment changer d'angle, de position. C'est pas désagréable parce que, comme on l'a déjà mentionné, ça te force à te penser différemment. Oui, absolument. Mais ça te limite dans d'autres situations. Dans une situation comme un spectacle, justement. Un spectacle, là, ben, j'ai réussi à faire des photos intéressantes parce que, tu sais, on voyait un peu plus la foule. Mm-hmm. J'en ai profité, je l'ai utilisé, justement, dans ma photo. Mais moi, c'est plus la scène. Il aurait fallu que je sois plus proche, que je sois avant. Fait que c'est pas parfait. Mais quand même, satisfait malgré tout. Mm-hmm. Un point qu'il faut que je donne aussi, elle est extrêmement silencieuse. On peut mettre un mode là où ce qu'elle ne fait zéro bruit. Mm-hmm. Ça peut être très intéressant dans certains cas. Oui, parce qu'il n'y a pas de miroir, donc... Exactement. Mais je veux dire, il n'y a même pas aucun déclencheur, rien du tout. T'entends quand même un minimum de son, mais je veux dire, c'est vraiment... Il n'y a pas grand-chose. Le mode vidéo est correct. Je ne dirais pas qu'il est exceptionnel. Il est stéréo, par contre, ce qui n'est pas le cas de tous. Non, c'est bien. Je l'ai essayé justement dans le spectacle, puis j'ai été quand même assez agréablement surpris. Il y en a qui ont l'air d'aimer moins de ce que je lisais sur Internet. C'est 720p. Il n'y a pas grande option. Si tu l'actives, tu fais ta photo, tu fais ton vidéo, essaye pas de demander d'ajustement de son ou de rien de ça. Tu le prends tel qu'il est. Mm-hmm. Ça me dérange pas. C'est pas pire que ce que tu as sur un iPhone ou quoi que ce soit. Puis c'est même, compétent. Honnêtement, je disais ça à quelqu'un justement il n'y a pas longtemps. L'iPhone, c'est merveilleux de filmer en 1080p, mais c'est long de transférer les fichiers. Oui. Puis c'est lourd sur une connexion Wi-Fi ou c'est des trucs lourd. Comme ça. C'est presque préférable d'avoir du 720p. Là, c'est, en tout cas, ça dépend de ce qu'on fait. Si on est vidéaste, OK. Ouais. Mais des vidéos de famille ou des trucs comme ça, du 720p, ça fait amplement le boulot. En effet. C'est surtout qu'au Québec, on n'a pas vraiment des connexions qui sont très généreuses en téléversement. Non, c'est ça. Non, en effet, ouais. Moi, à la maison, ils m'ont monté de 2 à 3. Je suis tout content. Non, mais moi, je suis à 50 mégabits maintenant en téléversement. C'est autre chose, toi. Autre mode que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, le mode panorama. On a un mode où ce qu'on peut faire un panorama à 120 ou 180 degrés. Okay. On pèse une fois, on lui spécifie auparavant est-ce qu'on fait de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas, de bas en haut. Puis, on pèse une fois, puis il s'agit juste de garder le même... vecteur de déplacement. Oh, c'est très bien, c'est magnifique, oui. On va le même vecteur aussi. Oui, oui, le même vecteur de déplacement. Puis... Il assemble son panorama lui-même. Je vais en mettre un sur notre site. J'en ai pris un en spectacle. Je suis très, très, très agréablement surpris. Je vous défie d'essayer de trouver où est-ce qu'il a coupé. Vous serez pas capable. J'en ai pris un autre qui a été moins succès. Pas parce qu'il était mal coupé, mais c'est parce que c'était à un moment donné où ce qu'il y avait des grosses lumières. Ah, fait que ouais. Là, t'as la première partie qui est éclairée, la deuxième l'était pas, la troisième l'était, la troisième... Tu sais, c'était comme... Ouais. Tu voyais un effet de stroboscope. Exactement, ouais. Fait que ça marchait pas du tout à cause du panorama. Ouais. Mais bon, ça, c'est un détail, là. Mais par contre, essayez pas de faire un panorama avec quelque chose de très près. Ça, ça marche pas du tout. J'ai essayé, c'est un échec total. À cause de la perspective. Exactement. Faut prendre... un paysage, une foule, les enfants de même, ça va fonctionner. Mais de près, zéro, j'ai jamais été capable. Mm-hmm. Dans les moins bons points, comme j'avais déjà mentionné, bon, il n'y a pas de zoom. Les menus sont un peu moyens. Je trouve que il aurait pu faire un peu plus de catégories. Je vais donner un exemple. Dans la Canon, souvent, on organise, je sais pas, moi, mettons, tout ce qui a rapport avec les batteries, les affaires. Tout est organisé dans le menu. Tandis que lui, il y a deux onglets, puis il faut des fois que tu descendes là, six pages avant de trouver l'onglet que tu as. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu moyen. C'est, là. C'est pas la fin du monde, encore une fois, mais il me semble qu'une meilleure organisation, ça l'aurait gagné. C'est pas convivial. C'est pas convivial, non, définitivement. La batterie est pas super non plus. Je dirais qu'on j'évalue ça à 300-400 photos, puis elle est morte. Tu te servais beaucoup de l'écran au lieu du viseur. C'est sûr, donc, c'est sûr. En partant, tu hypothèques la batterie. Beaucoup. J'en doute pas, mais je j'ai trouvé moyenne. Honnêtement, là, j'ai pas été super impressionné. Il y a également un petit problème avec le chargeur de la batterie. C'est que Fuji, pour économiser des coûts, c'est normal, a décidé d'utiliser le même chargeur pour plusieurs sortes de batteries. Le problème étant que la batterie est plus petite que les autres. Puis ils ont mis, c'est juste un petit adaptateur, c'est un morceau de plastique. Puis nous, il était manquant. Bon, là, c'est pas la fin du monde, mais je lisais... Et c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Beaucoup de monde se sont plaints de ça. Ils ont perdu le morceau. Faut-tu le commander au Japon? En tout cas, c'est fatigant. Mm. Tu peux... ça va être ridicule. Moi, j'utilisais une vis pour mettre entre... C'est vraiment... Je pense que c'est même pas un demi-centimètre entre les deux. Fait que j'utilisais une petite vis que j'avais pour garder juste comme un espace entre l'un et l'autre puis arriver à charger. Fait que c'est pas la fin du monde, mais... Drôle d'idée, disons. J'aurais fait un design un peu différent pour éviter ce problème-là. C'est pas majeur, mais c'est un irritant. Non, mais moi aussi, quand j'ai chargé la pile, j'avais, je sais plus, je pense que j'ai utilisé un bout de câble, le câble de téléphone ou quelque chose comme ça que j'ai inséré entre les deux, là, puis, mais ça tient pas. Rassure-moi, la vis était pas près des capteurs. Là. Non, je te rassure, elle était l'autre bord, il y avait aucun danger. Okay. J'allais dire, prends une efface Staedtler, découpée avec un exacto. Oui, c'est sûr que quelqu'un, je veux dire, avec le temps, si quelqu'un décide de l'acheter, on peut s'arranger quelque chose. Tu peux bidouiller quelque chose. C'est juste que je trouve, tu sais, il aurait pu faire quelque chose d'un peu mieux que ça. Là. Le morceau de plastique aurait pu être plus gros. Comme je disais, je suis loin d'avoir été le seul qui s'est plaint de la situation. Ou une espèce d'enveloppe pour la batterie. Ouais. Un boîtier, si tu veux, temporaire pour mettre dans le chargeur. Ou en tout cas, mais ça fait ou une des pièce trous. Qui vient se clipper avant la batterie pour remplir l'espace. C'est ça. J'ai déjà vu ça dans des chargeurs de piles conventionnels. Je veux pas utiliser le mot irritant, mais je dirais que cette caméra-là est vraiment pas pour un débutant. Même moi, là, il y a certaines affaires, des fois, là, que je cherchais un peu, là. Exemple, il m'est arrivé plein de situations étranges où ce que je suis tombé à un certain moment donné à un mode où il prenait trois photos, là, successives très très rapidement, mais il y avait juste une des trois photos qui était gardée. C'est super étrange, je sais pas trop comment j'ai fait pour activer ça. Il a fallu que je cherche dans les menus comment le désactiver. T'étais pas en mode qu'on appelle le bracketing, là, ou non, le HDR? Non, c'est ça. C'est justement. C'est un mode où il prend trois photos successives. Puis c'est vraiment étrange parce que tu vois les trois photos, puis mettons qu'il y a quelqu'un, un enfant ou quelque chose qui bouge, ben tu vois l'enfant qui bouge tout le temps dans la photo. Okay. C'est vraiment étrange. Regarde, j'avais pas le livret d'instruction à ce moment-là, fait que je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais. Il y a beaucoup d'affaires où ce que tu pèses sur quelque chose puis ça arrive. Exemple, tu peux prendre des photos en RAW, il y a un bouton RAW à l'arrière, tu pèses, mais il reste pas activé. Non, mais ça, le bouton RAW, ce que j'ai essayé, ce que j'ai découvert, c'est que tu peux modifier toi-même ta photo avec les paramètres RAW, donc changer ta balance des blancs, faire toutes sortes d'ajustements comme ça dans l'appareil, à même l'appareil. Mais moi, sauvegarder une nouvelle photo RAW. Ce que je voulais, moi, c'est qu'ils prennent toujours ces photos en RAW, mais non, il faut que tu payes sur le bouton. En tout cas, j'ai pas trouvé dans aucun menu. J'ai pas eu le temps de chercher dans le livre d'instructions. Tu sais, en tout cas, j'aurais peut-être du plus, mais ça, c'est peut-être mon problème. Il y a peut-être des affaires qui se font, mais je trouvais ça étrange que, comme je te dis, tu sélectionnes RAW sur le bouton. Normalement, il te dit, bon, c'est correct, tu devrais, quand tu repasses. Non, à chaque fois que tu fermes et tu repars l'appareil, il faut que tu le sélectionnes. C'est un petit peu irritant, mais c'est pas. Puis, le gros point, parce que j'en ai gardé un, le négatif, le plus négatif de tous, la molette arrière pour sélectionner les photos ou dans les menus, tout ça, elle est beaucoup trop lousse. On y arrive fréquemment qu'on passe tout droit, qu'on retourne en arrière. Le bouton pour sélectionner le bouton les photos, OK direct, est ben trop petit. Tous les boutons sont quand même assez bien. On pèse dessus, puis en général, on ressent le clic, tout ça, mais lui, il est tout petit, il est pas bien fait. Ça, là, c'est vraiment raté, là. Mm-hmm. Vraiment, vous avez besoin de retravailler ça, Fuji, parce que ça, c'est, ah oui. Moi aussi, c'est un échec. Parce qu'avec le pouce est trop gros pour c'est le ça. Petit bouton OK au milieu. Et combien de fois j'ai dû réappuyer 2-3 ouais. fois? Ça, j'avoue que j'ai de la misère à comprendre que ça s'est rendu là parce que le reste est tellement de qualité. Non, mais les Japonais ont des plus petits doigts, peut-être. Ouais, mais... ouais, c'est souvent ça. Ouais, peut-être. Mais mettons qu'au pire, on peut laisser passer là, OK, ça c'est une chose. Mais l'autre, la molette est vraiment trop lousse, là, ça n'a aucun sens. Dans certains cas, ça peut être intéressant parce que ça nous permet de défiler les menus rapidement. Exemple, quand je disais que tu as les 6 pages qu'il faut que tu descendes pour aller. Sauf que les chances que tu arrêtes au bon après sont nulles parce que tu descends tellement vite. T'as beau l'arrêter, à descendre 3-4 onglets tout de suite, à 3-4 de plus. J'ai trouvé ça vraiment, là, ça, c'est pas un succès. Vraiment pas... c'est pas la fin du monde, là. Je veux dire, ça m'empêcherait pas de l'acheter. Mais ça m'irrite. Ça m'a beaucoup, beaucoup irrité. Il y a plusieurs fois que ça m'a fait presque fâcher, là, après la caméra. Puis, le dernier point que je garde, qui était le prix. Parce que à 1 200 $, je le sais pas. Comme je disais, objectif fixe, on a un capteur super intéressant, mais 5 200 $, c'est pas facile à justifier ce prix-là. Non, c'est ça. Si on avait pu changer l'objectif, à la limite, ça pourrait pallier un paquet de... Il y a justement, Fuji vient d'annoncer une nouvelle caméra au Photonica, puis Photokina, excusez-moi. Oui, la XF1, je crois, c'est ça? Oui, exact. Qui est objectif... qu'on peut enlever, mais le juste pour la caméra toute seule est 1 000 $. Mm-hmm. L'objectif, c'est 1 300. Oui. Sauf que là, tu te dis, ouais, mais elle est 1 200 fixe. Pas sûr, là. Je veux dire, l'objectif est moins bon, là. On s'en cachera pas, là. C'est pas le même genre d'objectif. Mais quand même, l'autre est plus versatile que celle-là à cause de ça. Ouais, puis j'ai vu sur un paquet de sites, les commentaires, les gens qui avaient acheté le X100 étaient frustrés de voir la XF1 arriver parce qu'il disait on croirait que le X100 c'était juste pour tester le marché, puis maintenant le XF1 c'est votre produit fini, puis si elle descend à 700-800 $, là on parle d'une autre histoire, là ça commence à devenir très intéressant. C'est probablement ce qui va arriver, c'est ce que j'ai l'impression moi aussi, parce que là les deux vont se manger en fait l'autre va complètement cannibaliser les ventes de la X100. Ouais. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que Fuji va faire avec ça. Ça reste que c'est une caméra que j'ai, malgré ces irritants-là, beaucoup, beaucoup appréciée. Mm-hmm. Mettons sur une note sur 10, j'y donnerais facilement un 8. Mm-hmm. Parce que ce qu'elle fait bien, elle fait tellement bien que les irritants, tu peux vivre avec. Mm-hmm. Mais malgré tout, là, je dirais qu'un débutant, c'est vraiment pas à conseiller. Ouais. Vraiment, vraiment pas. Faut que vous sachiez un peu de photographie pour prendre une caméra comme ça. Mais quelqu'un qui s'y connaît va avoir énormément de plaisir avec cette caméra-là. Mais déjà, au départ, se retrouver avec un boîtier au look rétro, d'avoir les molettes pour changer, la vitesse. Une molette pour la vitesse, là, j'en ai pas vu sur aucun autre appareil. Non, puis moi, j'ai trouvé juste ça... Juste ça, c'est intéressant à travailler. C'est intéressant, puis c'est super le fun, parce que justement, c'est là qu'on s'essaye beaucoup plus avec le mode manuel. Oui. Moi, au début, tu sais, oui, je l'ai essayé quelques fois automatique, même avec la vitesse, puis les résultats sont, comme je disais, moyens. Fait que je retournais toujours au mode manuel. Fait que 90% des photos que j'ai prises avec cette caméra-là, je les ai prises en mode complètement manuel. Oui, moi aussi. Je trouve que les photos ont toujours bien sorti. Puis c'est facile, je veux dire, tu vois qu'elle est un petit peu surexposée. Oh, c'est pas grave, on change un petit peu la vitesse. Paf, on reprend la photo. Ouais. C'est fini, c'est rapide, c'est pas... C'est un appareil idéal pour apprendre encore plus. Finalement. Oui, ben oui, c'est ça. Ça pourrait servir d'outil d'apprentissage. Sauf qu'un outil d'apprentissage à 1 200 $. Non, c'est ça. Il faut avoir une base quand même. Il faut être quelqu'un qui veut faire ça sérieusement. Ouais. Oui, on s'investit pas cet argent-là, puis cette courbe d'apprentissage-là pour le week-end. Là, non, exactement. Mais comme je disais, si elle descend à 700-800 $, moi, je donnerais même un 9 sur 10 rendu à ce point-là, parce que là, on parle vraiment d'une affaire intéressante, là. Je vous le dis, les photos avec là, sont impressionnantes. Le niveau de détail, pour ça, là, ça m'a vraiment complètement conquis. Pour le reste, En tout cas, on vit avec les conséquences là, des décisions qui ont été prises. On verra bien avec le temps. Parfait. Oh, ben merci pour cette belle critique. Tu vas d'ailleurs publier un article, je crois, ta critique par écrit. Exact. Bon, excellent. À surveiller avec sur le blog. Avec quelques photos aussi qui ont été prises avec la caméra. Puis des photos de l'appareil lui-même. Bien sûr, bien sûr. Excellent. On va passer maintenant aux accessoires avec Alexandre. Bien sûr, bien sûr. Donc, mon premier accessoire, c'est un peu, le plus nécessaire pour tout photographe. C'est ridicule parce que c'est juste un crayon pour nettoyer les lentilles. Mais bon, si vous avez déjà essayé avec un petit chamois à microfibre, au début, on est tout excité, ça va bien. Mais en réalité, c'est toujours des traces qui restent. Toujours une espèce de stérie dans l'image. Puis ça peut être, dans la photo, ça peut paraître. Donc, il y a quelques années, j'avais trouvé cette compagnie qui, je crois, est de Vancouver, au Canada, Lenspen. Depuis, leurs produits, ils l'ont rebrandé à toutes les sauces. J'ai déjà vu des crayons Nikon par Lenspen et compagnie. Donc, le marketing, c'est bien fait. Mais le produit, il est simple, il est efficace. C'est un crayon, un peu comme un gros marqueur de tableau blanc. D'un côté, on a une petite brosse télescopique pour enlever les gros morceaux, parce qu'évidemment... D'un côté, on enlève les gros morceaux, puis de l'autre, on vient frotter pour nettoyer. S'il y a un morceau, ben là, on va égratigner la lentille. Mm-hmm. Donc, une fois qu'on a nettoyé la lentille d'un côté, on rétracte le petit pinceau. Et d'autre côté, on a une espèce de tampon de carbone. C'est un tampon qui est concave et qui peut vraiment, qui va de tout le tour du support. C'est-à-dire qu'on peut faire vraiment tout objectif d'une extrémité à l'autre. Et dans le fond du capuchon, il y a comme un peu une recharge de carbone, si on veut. On remet le capuchon puis on tourne. Ça permet de recharger, si on veut, en élément de carbone, l'embout, et de continuer à nettoyer quand même assez longtemps. Okay. C'est une durée de vie de quelques mois pour ceux qui font beaucoup de photos dans des environnements poussiéreux ou de voyage. Moi, le mien, ça fait 3 ans que je l'ai puis il va encore très bien, mais c'est principalement l'appareil photo de maison ou quelquefois de sortie, mais pas de conditions extrêmes. Mm-hmm. Pas dans le désert à Fallujah, là, genre... Non, pas trop, non. Mais c'est ça, puis il en existe d'autres, évidemment, d'autres marques, là. Moi, j'en ai un ici, le Lensmate de la compagnie Optex. Donc, c'est exactement la même chose. Il y a un petit pinceau à un bout, puis à l'autre bout, il y a le truc de carbone, donc... Évidemment. Il existe également sur eBay parce que j'en ai déjà trouvé moi aussi. Ça, c'est pas parti. Mais reste à voir si la fameuse recharge de carbone va durer aussi longtemps. Ouais, moi, tu vois, pour les petits produits sur eBay, l'équivalent de ce crayon-là, si on le trouve à 2$, moi, j'aurais un petit peu de réticence à l'acheter parce que je me dis, c'est quand même un objectif qui peut valoir 1000$. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on veut le frotter avec une petite bébelle à 1$? Moi, je ferais plus confiance. Il est combien celui-là? Lui, dans le temps, je pense que c'est une affaire comme 12-13$. Oh, Mais tu sais, je me dis. C'est ça, pour une sauver quinzaine $10. De dollars là, ou 15 à 20 dollars pour sauver un objectif ou la lentille à tout le moins. Là, Mais le travail est vraiment, vraiment bien fait quand même. On voit vraiment la différence le vent avant et après. Mm-hmm. Quand moi je l'ai acheté, je me suis installé avec mes 3 objectifs que j'avais dans le temps, puis j'en trouvais un qui était propre, mais il n'était pas propre. Ah. Avec ça, il était vraiment neuf. Okay. C'est vraiment une grosse différence. Wow. Parfait. Ensuite, je vais passer à un objectif qui est un peu spécial. Ceux qui connaissent depuis quelques années une compagnie qui s'appelle Lens Baby, qui font des objectifs passifs, que je dirais. Donc, autrement dit, l'autofocus ne fonctionne pas. Mais ne fonctionne pas ou n'est pas présent? OK, il faut vraiment faire le focus manuel. Mm-hmm. Mais ce qui est spécial, c'est dans cet objectif, on peut changer le verre. Je crois qu'avec tous les modèles, il y a au moins un ou deux éléments qui viennent. On a le choix entre le plastique, le verre, le double verre. Je pense que c'est les 4. Je pense qu'ils ont peut-être fait un cinquième depuis le temps. Mm-hmm. Mais dans le temps, il y avait ceux-là. On change physiquement, on dévisse, on met le nouvel élément dedans. On prend nos photos. Mais là, il faut s'amuser parce que c'est bien beau de prendre la photo. Ça fait un beau flou artistique. Mais le problème, c'est que l'obturation n'est pas dans la lentille. Okay. C'est des petites pastilles qu'on doit insérer avec des trous de différentes grandeurs. Donc, quand on s'installe, il faudrait que le sujet soit inanimé parce qu'il va vraiment se tanner avant qu'on ait pris une belle photo. J'essaie avec mes enfants, sur 100 photos, il n'y a pas une de belle, pas une de potable même. Donc, c'est vraiment plus pour des sujets qui sont amorphes, là, comme des animaux qui sont très calmes ou... En train de dormir. En train de dormir, oui. Qu'est-ce qui change d'un verre à l'autre? Qu'est-ce que ça fait comme effet? Le plastique est beaucoup plus style Diana, style flou, comme une... Un peu comme un filtre, là. Filtre. C'est un peu comme une vieille fenêtre un peu encrassée. Ouais. Le simple verre va être plus clair, mais sans être totalement clair. Le double verre est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que la zone où le focus est fait, selon l'angle qu'on choisit avec l'embout de l'objectif, le focus va être vraiment beau. autour, ça, le flou va être aussi plus clair. Tandis que si on prend, mettons, l'élément de plastique, là, tout va être flou, même s'il y a du focus, il va avoir un effet de flou quand même. Okay. Donc, c'est vraiment trois niveaux, si on veut, de flou, mm-hmm. Avec une des trois, le double verre, qui est plus, je dirais, proche de l'objectif standard. Okay. Donc, Lens Baby font plusieurs produits. Moi, j'ai le Composer, c'est-à-dire que le modèle que j'ai, la partie à l'avant, où on peut mettre le capuchon, se dévisse et se visse pour le focus. Et on peut le bouger sur 360 degrés pour avoir le point en focus dans l'image où on le veut. Il y a d'autres modèles où il y a carrément des tiges avec des petites vis qu'on dévisse, un peu comme une prothèse pour une chirurgie des os, par exemple, qu'on veut garder la jambe bien droite. Mm-hmm. C'est des prothèses, comme un peu des vis à prothèse à ajuster. C'est beaucoup plus fastidieux. Puis, on a deux autres modèles aussi qui ont sorti depuis. Donc, le Composer, je l'aimais beaucoup parce que je trouvais que c'était le plus simple et le plus rapide à ajuster. On l'installe à la caméra, on change l'angle, on prend la photo. Mm-hmm. Il n'y a pas de plus long que ça. Donc, c'est ça. Donc, ça vient avec, comme je disais, avec un élément. Il y en a au moins deux ou trois autres sur le marché. Mais il faut avoir du temps. Il faut prendre son temps parce que quand on s'installe, il faut expérimenter début, beaucoup. Parce ouais. que quand on a les 8-9 petites rondelles de F22 à F2, il faut trouver la bonne pour la bonne photo, la bonne, mm. le bon sujet. C'est pas évident. Ouais, ouais. Ça coûte combien cet objectif-là? Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les prix, je dois t'avouer. Dans le temps, je crois que c'était 129. Okay. Mais comme je dis, il y a 4 modèles puis ça va quand même assez cher. Ils font aussi des ensembles avec les éléments déjà intégrés. Donc, on peut avoir un objectif avec les 3 ou 4 éléments. Je pense que ça tourne autour de 300$ pour tout le kit. Là. OK, parfait. Bon, on les mettra dans les notes. Là, mise à jour, les prix mis à jour. Parfait. L'autre accessoire que je trouve très pratique, que je me sépare pas depuis que je l'ai eu, c'est le Light Scoop. C'est présenté un peu comme un infopub sur Internet. Ça a l'air d'un produit un peu trop magique qui permet de faire de grandes choses, mais qui coûte seulement, je crois que c'est 30$. C'est tout simple. En réalité, c'est un miroir à 45 degrés qu'on installe dans le hot shoe de la caméra pour faire rebondir la lumière du flash intégrée à la caméra vers le plafond, tout simplement. Mm. Mais ça permet justement d'avoir des sujets qui sont éclairés par le flash, mais sans les aveugler, sans les visages fantomatiques qu'on est habitué de voir. Mm-hmm. Et ça fonctionne merveilleusement bien. Un peu à la façon des plus gros flashs, comme sur Canon, là, le 430EX, puis ouais. Le 580, qu'on peut pointer directement au plafond. Ben là, avec le flash intégré, 30$ de plus, un accessoire, pointe le flash au c'est plafond ça. Par un miroir. C'est sûr qu'on n'a pas une distance de 10 mètres. Non, ça, faut pas se cacher. C'est un peu limité pour ça. Mais pour dans une maison où généralement un objectif qui n'a pas une assez grande ouverture pour avoir plus de difficultés, mm-hmm. on a le flash, on se cache plus de l'utiliser, on n'a pas peur d'aveugler les gens, mm-hmm. surtout pas les bébés, donc ça va super bien pour ça et c'est vraiment efficace. Selon les instructions, il y a plusieurs, ils disent d'activer la compensation du flash à plus 2 et tout. Je trouve pas que c'est nécessaire. Mm-hmm. Moi, je l'ai laissé à 0. Je l'ai juste installé, j'ai pris ma photo, c'était déjà très bien. Mettre à plus 1, on a vraiment un maximum de lumière. Mm-hmm. Ça fait une photo, mettons un objet inanimé, ça fait presque une photo de studio où qu'on aurait 2-3 lumières pour okay. vraiment là, voir vraiment beaucoup de lumière sur le sujet. C'est en masse, donc moi je ne change même plus. Mm-hmm. Je laisse à 0 puis ça fait le travail comme il faut. Parfait. Puis toi, normalement, quand tu utilises le flash, justement, est-ce que tu as des réglages? Non. Non, je suis okay. très paresseux à ce niveau-là. Tout est à 0, j'ai rien changé, je l'installe, je prends la photo. Alors, c'est fait. OK, tu restes en mode quoi, automatique ou ouverture? Ah, le ou... mode, non, moi c'est le mode AV, toujours l'ouverture, okay. Oui. Parfait. Ouais, parce que j'ai surtout une 50 mm que j'utilise, 1.8, mm-hmm. je me tiens à 2.2, puis c'est un peu mon sweet spot si on veut. Ouais. Comme je fais beaucoup plus de photos d'enfants, de famille, de personnes. OK. Je promène dans la maison, puis je prends les photos sans que le monde regarde. Donc... Parce que tu vois, moi, on m'avait donné un truc, puis je m'en sers très souvent. La minute où j'utilise mon flash, justement, que je pointe au plafond la plupart du temps, je me mets en mode manuel à F4, puis à ISO 400, puis environ 1/60e de seconde. Okay. Puis normalement, ben, le fait que tu ralentisses quand même un peu ta vitesse... laisse le temps à la lumière de se rendre derrière le sujet, donc l'arrière-plan est pas flou, est pas sombre. Okay. Donc, c'est un peu des paramètres que j'essaie d'utiliser. Évidemment, tu peux jouer un peu avec la vitesse. Là. Mais tu vois, avec celui-là, je pense pas que ça fonctionnerait parce que peut-être à cause de la force du flash, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou il faudrait le mettre plus lent. On parle pas de la force du 580. Non, là, c'est pas ça, c'est vrai. C'est quoi, c'est la lumière guide? Ouais. C'est quand même relativement assez limité sur des flashs intégrés. Non, en effet. Parce que c'est sur un sujet qui était, je te dirais, tout à 3 mètres, je voyais déjà que le sujet était moins éclairé. OK. Mettons, j'avais un sujet inanimé, comme mettons une plante, c'était araignée avec beaucoup de feuilles, à 1,5 mètre, sans problème, je vois très bien devant, derrière. Mais si on passe le 2 mètres, on commence à être plus difficilement éclairé. Ah, OK. Donc, l'avantage avec le flash cobra, c'est que tu peux le mettre direct en haut, mais tu peux aussi le mettre à 45 degrés. Fait que là, ça te permet d'avoir un peu plus d'espace. Oui, en effet. Pour 30$, c'est quand même. Oui, oui, définitivement. Ça peut définitivement dépanner, plus que dépanner même. Oui, c'est un peu encombrant une fois installé dessus, surtout si on utilise le prochain accessoire que je vais vous parler. Mais ça s'enlève très facilement. C'est juste un truc en plastique qui vient s'insérer. Donc, ça vient avec une pochette pour le rangement. Donc, ça va bien. Ah, ben. Parfait, ça. Le prochain accessoire que je vais vous présenter, c'est le Black Rapid R5 Cargo. C'est une sangle qu'on vient mettre sur l'épaule, un peu comme un sac de messager. Donc, la sangle, par exemple, sur mon épaule gauche. Ma caméra se tient à ma hanche droite. Et c'est une sangle qui permet d'avoir l'appareil toujours en position sur votre hanche. Quand même une position qui est assez stable lorsqu'on marche ou qu'on marche un peu rapidement. On peut toujours mettre la main dessus pour éviter que l'appareil se promène. Mais l'avantage, c'est dès qu'on lui prend une photo, simplement ramener l'appareil, la sangle a un ajustement qui permet justement de glisser jusqu'à la position de photo, puis de revenir sans problème avec un petit stopper pour arrêter pour pas qu'elle aille dans votre dos, pas qu'elle monte trop haut. Et la cargo, ce qu'elle a de plus encore, c'est des petites poches pour les câbles de lentilles, pour les cartes mémoire, pour un cellulaire, mais on s'entend que c'est une très petite poche. Ouais, on ne peut pas y mettre un Samsung Galaxy S3. Non, il faut oublier ça. Même un iPhone doit... Un iPhone sans étui en diagonale, peut-être. Un peu étroit pour un iPhone, même ça. Mais bon, la pochette peut servir à mettre des piles, peut-être. Des piles, C'est des trucs du genre, là, à la limite. Une carte de voyage très petite. Moi, j'en ai une. Moi, c'est la RS4 qui est un peu plus petite, qui a simplement une poche pour ces deux cartes de mémoire. Je rentre deux cartes... compact flash dedans, fait que c'est quand même respectable. Puis mais moi avec là, je ne jure que par ça là. J'ai fait une session photo là 15 heures en studio en 2 jours, puis j'ai eu ça sur l'épaule, puis j'avais même pas mal là. C'est très très très confortable. La seule chose que j'en ai vu une autre, c'est pas Black Rapid. La seule chose qui m'irritait moi de celle-là, qui mérite encore, mais c'est pas la fin du monde, c'est que le connecteur se met en dessous de la caméra. J'en ai vu un autre qui utilise en haut à droite ou à gauche un des deux que tu utilises déjà pour ta strap. Fait que c'est le fun parce que justement, si t'as besoin d'avoir accès en dessous, changer la batterie ou quoi que ce soit, tu y as encore accès. Mais c'est ça, ça dépend des modèles. Parce que moi, sur mon 400D, comme je vous montre, c'est vrai qu'il est loin de la batterie. Ouais. C'est pas comme son problème. Non, c'est pour le trépied. C'est pour le trépied, en fait. Pour le trépied, là, c'est problématique. Mon trépied que je vais parler après, lui, vraiment, il vient obstruer la fente pour la batterie. Puis à chaque fois, je veux changer la batterie. Faut absolument le mettre. Moi, c'est ça qui est le fun. C'est pour ça que j'ai toujours mon battery grip, parce que tu peux changer facilement les batteries sans avoir à jouer en dessous. Mais bon, tu sais, quand même, là, malgré tout, c'est un irritant mineur, mais c'est juste que l'autre, j'avais trouvé ça génial parce que justement, il était pas exactement à la même place, puis il utilise quelque chose qui est fait pour ça, qui est fait pour retenir la caméra. Mais sinon, regarde, je vous le conseille fortement. Quoi que c'est pas donné, là, c'est non, pas, non, pour un petit bout de même, là, j'ai... Mais bon. Mais c'est ça, c'est dans les combien? Je t'avoue que je m'en rappelle plus. C'est 60-70. Ouais. Okay. Ils font 4 ou 5 modèles, donc ça va vraiment de la petite. Je pense que c'est comme de 50 à 100, 120, je crois. Là. Ouais. C'est pas donné, là, mais si vous traînez votre caméra longtemps, tu sais, vous savez, moi, comme je dis, j'ai la 7D avec le battery pack, la 24-105, là, elle doit peser pas loin du 7-8 livres, là. Puis je la sens même pas. 3 kilos pour nos 3 amis kilos, français. 3 kilos. c'est ça. Puis je la sens pas, puis je peux la porter longtemps là, en jour, puis ça me dérange vraiment pas. Là. Je suis pas du tout là, dérangé par ça. Dans la fameuse session de photo que je vous disais, j'avais loué une 70-200 2.8 avec stabilisateur d'image. J'ai-tu besoin de vous dire que c'est loin d'être léger? Non, c'est ça. Puis ça me dérangeait pas, vraiment pas. Tu la fixais sur l'objectif ou sur la caméra? Sur l'objectif. C'est ça. Oui. Parce qu'on peut dire c'est que certains objectifs plus pesants ont aussi une prise femelle pour une vis à trépied. Donc, on peut prendre la même le même truc pour le changer la position finalement. Ouais, puis donc, c'est ça, c'est bon parce que l'objectif souvent est plus lourd que le boîtier. Ouais, mais c'est ça, ben c'est surtout commode si t'as avec un trépied parce que tu pourrais pas le mettre à l'arrière justement. L'objectif est tellement lourd que ça tombe par l'avant. C'est ça. Donc c'est ça. Donc celle-là, moi je l'ai trouvé pratique parce que justement j'ai juste mon gros sac avec tous mes objectifs que je traîne jamais nulle part. Fait que finalement c'est mon iPhone que j'utilise pour des photos. Mais là, avec ça, c'est beaucoup plus facile. C'est sûr que ça reste que l'appareil est exposé au danger. Mm-hmm. Mais moi, je suis principalement sur ma 50 mm. Elle est tout petite. Ça tient bien à ma hanche. Puis c'est vraiment c'est merveilleux. Moi, je l'adore. Là. Non, c'est presque certain que je vais me procurer une sonde comme ça. Parce je te le conseille. Si tu fais du déplacement. Ouais. Parfait. Puis le dernier accessoire que je vais vous présenter, c'est un trépied. C'est Velbon qui le fait. Pourquoi ce trépied? C'est moi, je cherchais un trépied qui peut s'attacher après mon sac. De un, comme presque tous les trépieds, mais je voulais pas qu'ils viennent me toucher les jambes ou la tête. Mm-hmm. Les trépieds, une fois rétractés, ils sont assez longs. Celui-là, une fois rétracté, est à peine plus grand qu'un iPad. Okay. Donc, c'est à peu près quoi? Je pense que c'est 12 pouces de haut, 30 cm de haut. Okay. Donc, il est très compact. Petit défaut, par contre, c'est qu'il y a 4 sections pour les pattes, ce qui fait qu'il est un petit peu plus instable. Quand il est complètement déployé. Déployé, là. C'est ça. Je ne me verrais pas l'utiliser avec un objectif trop long. Là. Ça commencerait à être un peu limité pour le poids. Là, c'est ça. Moi, dans mon cas, j'ai juste des petits objectifs, donc c'est juste parfait pour avoir la stabilité que j'ai besoin dans une situation plus délicate. Mm-hmm. Puis, il n'est pas très lourd. Je n'ai pas son poids exact, mais il se fixe après mon sac. Il est tout petit. C'est 12 cm une fois... petit, mais une fois déployé, c'est 157, je crois. OK. Tu voulais dire 30 cm une fois plié. Une fois plié, oui. Puis 157 une fois... OK, quand même bien. Quand même bien, oui. Quatre sections. Puis tu as la tige au milieu qui, elle, peut se monter d'un autre 30 cm. Donc, moi, je fais à peu près 180 cm. Puis debout, j'ai sans problème à l'utiliser. Là. Mm-hmm. Donc, c'est un beau petit trépied. Un peu dispendieux, par contre. Ça doit... 275. OK. Ouais, j'ai pas, de tête. J'ai pas de barhead, comme on appelle. Là. Ouais, c'est le truc qui s'installe après la caméra. Il y a des ajustements X, Y, Z, mais c'est pas une boule. Là. C'est pas aussi c'est précis que ça pourrait être sur un Manfrotto ou autre chose. Là. Ouais. Mais moi, dans mon cas... On parle que le prix vient aussi en conséquence. Mais c'est ça. Ben, c'est ça. Moi, le mien est beaucoup plus grand, même une fois rétracté. Mais avec la tête et tout ça, on parlait de un peu plus de 400$ là. Ouais. Puis c'est ça, il est plus lourd, il est plus long. Donc quand même, ça dépend. Tu sais, pour certaines situations, si tu fais de la photographie de produits aussi souvent pour ton blog, dont on va parler tantôt aussi. Mais c'est pratique parce que tu peux mettre ton trépied vraiment près du sol ou sur une table pour photographier ton produit. Tu n'es pas obligé de le mettre par terre au plancher à côté de la table nécessairement, donc tu peux être dans un endroit plus restreint puis quand même avoir c'est ça, souvent même je vais même mettre les deux pieds en avant plus bas pour être plus penché vers l'avant. Comme j'ai pas un objectif trop pesant, l'appareil reste stable. Puis je suis vraiment proche de mon produit à 45, même à 70 degrés vers le bas, sans problème. C'est bon. Ça va très bien pour commode. Ça puis on peut même aussi, c'est vrai, inverser la tige pour mettre l'appareil en dessous. Ah oui. Ça peut faire des photos intéressantes dans un endroit plus petit, si on veut. Ouais. Moi, je ne l'ai jamais essayé, ça, avec mon trépied, l'installer en dessous. Là. C'est ça spécial. Fait, mais... ouais. C'est spécial. Pour la prise de photo, c'est pas évident, mais... Non, non, ça doit pas. C'est moins accessible. Quand la situation le demande, au moins, on peut le faire. Ah ben, merci de nous avoir présenté tous ces accessoires-là. C'est un plaisir. Des trucs très pratiques. Ah, d'ailleurs, petite parenthèse, je pensais pas à ça, mais j'ai un accessoire que je peux vous parler pour un trépied qui peut être commode. Okay. Un déclencheur à distance. Oui. Si vous voulez, là, moi, ça coûte pas cher. J'en ai un qui m'a coûté 35$, je pense. Mm-hmm. Puis, pour prendre des photos, parce que ça paraît pas, mais quand on prend une photo sur la caméra, juste le fait de peser sur le bouton pour... D'appuyer sur le déclencheur, ça fait bouger la caméra. Mais là, moi, ça m'est arrivé, je prenais des photos où ce que on part le déclencheur et pour l'arrêter, on repèse. Okay. Mais là, tu peux pas parce que si tu repèses dessus, tu vas faire trembler, tu vas créer du bouger, etc. Fait qu'avec le petit déclencheur, ben le mien, il est sans fil, mais il y en a qui sont avec le fil aussi. Mm-hmm. Je pense qu'il y en a un qui est 30, l'autre est à 35. Faut juste vérifier, par exemple, s'ils sont pas compatibles dépendant des modèles de caméra. C'est pas toute la même chose, mais si vous voulez faire des photos avec un trépied, c'est un conseil que je vous donne. C'est un petit 30$ bien économisé, bien investi qui évite bien des problèmes. Ben, c'est ça, justement, 30-35$ ou peut-être, c'est ça, 30 euros en France, je ne sais pas. Mais c'est un très bon investissement, même si le bidule ne vous sert pas nécessairement souvent. Quand vous allez en avoir besoin, vous allez être heureux de l'avoir dans votre sac. Puis c'est ça, moi, ce qui est le fun en plus, c'est qu'il est tellement petit et compact. Mm-hmm. Le mien, il, comme je disais, il est sans fil, puis il va sur la courroie de ma caméra, il est attaché dessus. Mm-hmm. Bon, j'ai ma RS4, là, mais bon, en tout cas, tu sais, je peux la mettre dans une poche si je voulais. Mm-hmm. Puis si ça prend pas de place, là, c'est pas... Puis la pile, quand ça sert pas, on a un petit bouton, je crois, pour l'éteindre. Sur le mien, j'ai un petit bouton pour l'éteindre, un interrupteur, puis ça fait que la pile dure ça fait au-dessus de 2 ans. Moi, c'est la même chose. 2 ans et demi, moi, je pense. J'ai une version plus cheap, si on veut, venant d'un petit magasin asiatique. Mm-hmm. C'est une petite manette infrarouge pour déclencher, mais la pile meurt rapidement. Au bout d'un mois sans utilisation. Ah, parce que t'as pas d'interrupteur. J'ai pas d'interrupteur, justement. Mais si on veut éviter ce problème-là, ben, comme je disais, t'as rien qu'à la prendre une avec un fil. Ouais, c'est ça. Puis ça règle le problème. Puis ça, encore une fois, je le dis souvent, mais c'est pas le genre d'affaire qui est vraiment important tant que ça. Si vous voulez aller sur eBay pour ça, ça là, vous allez en trouver, puis en trouver. Mm-hmm. Il y en a plein des versions chinoises qui coûtent pas cher. Si vous faites pas ça professionnellement, ça, je le conseille. C'est pas grave. C'est pas quelque chose qui va vous coûter cher. Ça va peut-être coûter 10$, 15$. Ah, puis encore 4$. Oui, il y en a. C'est ça. Il y en a que c'est moins cher que ça. On peut en acheter un par année ou 6 mois, puis ça revient moins cher. Ça revient quasiment moins cher. Ben, c'est ça, avec la batterie, avec le ci, avec le ça. Fait c'est pas la fin du monde, là. C'est pas non plus le genre d'appareil qui va briser nécessairement. Moi, c'est une petite télécommande avec 3 boutons. C'est universel pour plusieurs modèles de caméras. Dans mon cas, j'ai juste le bouton S, qui est le bouton single shot, pour une seule prise. Mais il y a un bouton aussi pour le zoom avant-arrière que j'utilise pas, parce que ça fonctionne pas avec mon appareil. Mais 4$, la marque Jiangxi. Je me suis pas trompé, puis je l'aime vraiment. À part, comme je dis, pour les piles. Okay. Quand, ça fait 30 ans que je m'en sers pas, la pile est morte, donc il faut que je change la pile, mais ça aussi, c'est pas très dispendieux sur eBay. Là. Bon, génial. Juste avant que j'aborde le sujet des trépieds, justement, c'est bien que tu en aies apporté un. Mais moi aussi, j'avais un dernier accessoire qui est en fait une pince pour bouchon d'objectif. Donc, c'est encore la compagnie Optex qui fait ça. Ben, évidemment, il doit en avoir d'autres, mais ça s'appelle le HUFA, HUTREMA-FA. Donc, c'est une petite pince qui se glisse, qui s'installe dans la courroie. Donc, il faut détacher la courroie du boîtier de l'appareil, insérer la pince pour que, évidemment, qu'elle tienne bien et on attache de nouveau la courroie après le boîtier. Et puis, ce que ça fait, tout simplement, c'est que ça va retenir votre bouchon d'objectif, ce qui est très pratique parce que souvent, on va le mettre dans une poche, on dépose notre bouchon quelque part, puis là, on ne sait plus trop où on l'a mis parce que c'était dans le feu de l'action. Avec ça, on enlève notre bouchon, on le glisse à l'intérieur de la pince, après notre courroie, et puis c'est magique. Après, on a juste à le récupérer pour le remettre sur notre objectif. Donc, un accessoire qui peut être très pratique. Évidemment, bon, c'est plus ou moins chic là, d'avoir un bouchon d'objectif au niveau de la poitrine, mais c'est ça. Coûte, c'est mieux, c'est mieux ça. Petit canon ultrasonique, c'est pas 3$. Hein? Non, c'est ça. Donc, c'est un petit accessoire qui peut être intéressant d'avoir justement si votre bouchon d'objectif n'est pas attaché après votre appareil, parce qu'il y en a des appareils hybrides et tout ça, ou des compacts dont le bouchon est attaché. Mais si c'est pas le cas, bien à ce moment-là, c'est intéressant d'avoir ça. Et maintenant, je vais vous parler des trépieds. Alors, pourquoi utiliser un trépied? Donc, il y a principalement, en tout cas, moi j'ai trouvé 3 raisons d'utiliser un trépied. Premièrement, c'est pour obtenir des images plus nettes, parce que évidemment l'appareil, techniquement, ne devrait pas bouger au moment où vous appuyez sur le déclencheur, ou encore, comme on parlait tout à l'heure, vous pouvez utiliser un déclencheur à distance, donc aucun mouvement occasionné par une main ou un tremblement quelconque. Évidemment, bon, si votre sujet bouge, là, on peut rien y faire, là, mais normalement, au moins le flou, ça sera pas un flou causé par votre intervention. Aussi, ça peut servir à obtenir une meilleure composition parce qu'avec un trépied, on prend le temps de s'installer, donc on va plus réfléchir à où on va placer notre trépied, l'angle qu'on va prendre, notre sujet, comment on va l'aborder, si on veut. Forcément, pas qu'on va prendre plus de temps, mais on va avoir plus de temps pour réfléchir, le temps de s'installer par rapport à si on prend une photo à main levée. L'un est une cause de l'autre. C'est ça. Mais c'est parce que en prenant l'appareil à main levée, normalement, on est porté à tout de suite on vise, on regarde. On vise, on shoot, on appuie sur le déclencheur, donc ça va plus vite. Tandis que si on installe notre trépied, il faut réfléchir où est-ce que je l'installe. Puis là, à la limite, on va dire au sujet, ben tasse-toi, place-toi un peu plus à gauche, à droite, parce que là, mon trépied est installé ou peu importe. Donc, il y a une composition différente, il y a une approche différente avec un trépied. Et puis, ça offre plus de possibilités. Donc, en n'ayant pas de flou de bouger, ben là, on peut faire de la photo de nuit plus facilement. Oui. Alors, on peut faire de la photo de chute ou de vague avec un effet filamenteux, là, en réduisant la vitesse ou en installant un filtre gradué ou à densité neutre. Donc, principalement, c'est les utilisations auxquelles j'ai pensé. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, celui pour lequel je l'utiliserais le plus, c'est vraiment, comme tu disais, c'est pour compenser le fait que si, mettons, tu as besoin de descendre ta vitesse énormément pour avoir plus de lumière qui rentre, ben tu n'as pas le choix. Ça te prend un trépied. Il n'y a aucune autre méthode. C'est ça. C'est vraiment la grosse raison. Ça m'est arrivé à l'occasion. Je me rappelle avoir fait une petite expédition de nuit dans la neige et tout le kit, puis t'as pas le choix, là. Pour prendre des photos, si tu as le moindrement de luminosité, tu veux pas te bouger, tu veux pas rien, ça prend un trépied. Tu peux pas faire autrement. Mais c'est ça. Ben d'ailleurs, pour ceux qui n'utilisent pas de trépied, j'ai un petit truc que j'ai découvert aussi, c'est qu'il faut pas aller plus bas que la fraction de seconde là, qu'on doit utiliser, la vitesse, c'est 1 sur la focale de l'objectif finalement. Donc si on est à 50 mm, il ne faut pas aller plus bas que 1/50, sinon notre propre tremblement ou nos propres mains risquent de créer un flou là, juste en prenant la photo, même si le sujet est fixe. Donc évidemment, en utilisant un zoom, un téléobjectif, si on tombe à 200-250 mm, idéalement, il ne faudrait pas aller plus bas que 1/200, 1/250. Mais ça ne tient pas compte du sujet en tant que tel, évidemment. Ouais, mais à cette vitesse-là, d'habitude, le sujet, tu vas être capable de... Ben, normalement, à 250e, si tu n'es pas capable de capter ton sujet, là, tu as un autre problème complètement différent. C'est ça. J'ai ça, moi, mes colibris. Oui, un colibri en bas de, je dirais, un 500e, là, peut-être, pour le battement des ailes. Curieux. Et encore, hein? Curieux. Ouais. Donc, je pense que c'est 1250e, moi, je pense. Ah oui, c'est fort possible. Ah oui, si tu veux avoir les ailes fixes, là. Oui. Mm-hmm. Donc, parfait. Puis, une question aussi qu'on peut se poser, est-ce qu'on doit absolument utiliser un trépied pour la macrophotographie? D'ailleurs, j'ai pas encore abordé vraiment la macrophotographie beaucoup. Je l'ai fait un peu avec l'iPhone, mm-hmm. les petits objectifs dont j'ai parlé au troisième épisode. Mais... d'après ce que j'ai lu sur le sujet, c'est que ça dépend de vous et ça dépend du sujet. Et de l'espace disponible aussi. Et de l'espace aussi. Disponible, bien sûr. Mais, quoi qu'avec un petit trépied comme Alexandre ouais, non, présenté, définitivement, ça peut être très peut être intéressant. Définitivement. Parce que l'appareil peut être, justement, le trépied, s'il n'est pas beaucoup déployé, des pattes très courtes, mm-hmm. ça peut être pratique. Ouais. Sinon, à la limite, on peut toujours le mettre, comme on disait, à l'inverse, par en dessous. Et puis, ça peut toujours fonctionner. C'est ça. Avec un trépied, ben un sujet immobile va bien se prêter à l'utilisation du trépied parce que justement, on n'a pas à recadrer ou dire oups, l'insecte s'est déplacé ou le. Non, mais pour les insectes, il faut que tu comprennes qu'il faut les congeler avant. Aussi, c'est ça la technique. Ben, merci du truc. Je pense à celle-là. Je me suis toujours posé la question. Ben, toujours. Justement parce que tu dis oh, trop d'affaires, trop compliqué. Moi, j'avais jamais pensé à celle-là. Là, tu dis la petite coccinelle ou la fourmi, là, ça se déplace. Deux heures dans le congélateur, puis après elle bougera pas pour quelques minutes. On peut peut-être avoir un peu de frima dessus, par exemple. Oui, mais bon. Mais donc c'est ça. Ben, en tout cas, parce que justement, en macrophotographie, ben, à part le fait que votre sujet peut bouger. C'est que la profondeur de champ est excessivement réduite, donc le moindre mouvement, même du vent sur une feuille, ça peut faire en sorte que votre point de focus change. Donc, bon, évidemment, à la limite, vous transportez votre feuille ou votre plante à l'intérieur, puis faites ça à l'intérieur, mais... Il y a bien des méthodes. Il y a beaucoup de méthodes, mais le fait de ne pas avoir à manipuler l'appareil pour prendre sa photo, de l'installer sur le trépied et donc de manipuler soit le sujet ou d'installer son trépied en conséquence, bien... Ça fait qu'au moment de prendre la photo, on a moins de soucis, si on veut. Il y a aussi une autre situation que ça peut être pratique, c'est quand on prend beaucoup de clichés à intervalles réguliers pour faire une petite vidéo. Oui, du time-lapse. Du time-lapse, c'est ça. Je cherchais le terme français. Ben, la photographie d'accéléré qu'on avait dit. Hein, ouais. Donc, C'est ça. Effectivement, ouais, si on prend une photo choix, aux 30 secondes, évidemment, ça prend exactement le même angle, la même composition. Ben, tu peux techniquement, parce que il faut, mais c'est qu'il faut que tu recoupes chaque fois. Fait que c'est ben, pas commode. Ça prend un trépied. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Exactement. Puis là, ben, en ce qui concerne les types de trépieds, il y en existe une multitude. Il y a les, bon, évidemment, de qualités différentes. Ben oui, c'est ça. Il y a des qualités différentes. Il y a des trépieds qui ont une tête intégrée. Il y en a qui, il faut justement se acheter une tête amovible. D'autres, aussi, on retrouve des monopieds. Les monopieds, c'est pratique justement dans les endroits publics ou des endroits où normalement ils toléreraient pas des trépieds. De peur que les gens trébuchent sur une patte ou quelque chose du genre. Donc, ça peut être un truc pratique aussi. Et un monopied peut servir de bâton de marche aussi en forêt ou de moyen de défense si vous avez... à la limite. Ouais, si votre vie est en danger. Contre un grizzly, c'est toujours pratique. Dans si un tu rentres dans l'œil, c'est ça, exactement. Si tu rentres dans l'œil, je me rendrai pas pour moi. Pour, On l'expérimentera pas. Non. Mais, non. J'ai un autre produit aussi que j'avais déjà vu pour ceux qui ont encore moins de place dans leur bagage. Une ficelle avec une rondelle de métal au bout qu'on installe après une bague dans le truc à trépied de l'appareil. En pesant le pied et en étirant la corde droite, on vient de gagner une grande stabilité. En effet. Ah. Oui, je me souviens pas comment ils appelaient ça. Je crois que c'était une chaîne ou quelque chose comme ça. Une chaîne ou une corde. J'avais vu ça, moi, sur le site où il y a beaucoup de guides pour faire des trucs soi-même. Ils appellent ça un chain pod. Un chain pod, bon. Donc, chain pod. Oui. Mais une corde, une rondelle de métal, on la laisse tomber à terre, on met le pied dessus, on tire l'appareil vers le haut, on est stable, la corde est étendue, puis ça fonctionne très bien, ça aussi. Non, c'est très bien. Moyen c'est sûr, c'est ingénieux. Pas comme un trépied, mais c'est quand même un monopode. Non, mais ça peut dépanner. Ça peut dépanner. Absolument. Il y a aussi des chariots munis de roues, si on veut faire des déplacements, des dollies. En bon français, pour faire des déplacements avant-arrière ou des déplacements latéraux avec un maximum de fluidité, là, ça peut être pratique. Puis aussi, ben pourquoi pas utiliser le mobilier, une table, une rampe, une roche, n'importe quoi qui peut être utilisé. Tout objet d'ailleurs solide et stable peut servir de trépied. Un assistant. Un assistant accroupi. Ouais, bon, mettons qu'il faut que ça aille. Ouais. Non, mais un autre truc que vous pouvez également utiliser, que j'ai utilisé quelques fois, c'est on s'accote sur un arbre. Si on est à côté sur l'arbre, ben au moins, tu sais, je sais pas... ça devrait pas descendre, ça devrait pas monter, on est relativement stable. On peut s'appuyer soi-même sur l'arbre, on peut appuyer le boîtier. Moi, c'est sur l'arbre aussi. Oui, c'est le boîtier que je parle, on appuie sur l'arbre ou un mur ou quoi que ce soit. Ça peut absolument. Être n'importe quoi. On utilise l'environnement autant qu'on est capable, c'est toujours quelque chose qui est commode aussi à faire. Dans cette même optique, il y a aussi une série de trépieds, les gorillas. Oui, les gorillas. Qui sont munis de pattes flexibles, rigides. Mm-hmm. Ce qui fait qu'on peut facilement prendre le trépied qui a trois pattes et en faire un peu comme une araignée, puis agripper une clôture, une branche. Il faut magasiner le bon trépied, parce que j'en ai essayé plusieurs. Il y a des poids différents aussi qui sont supportés. Oui, pour le poids, ça c'est important. Pour un appareil compact, c'est génial, mais une DSLR, un appareil réflexe avec un bon objectif, ça prend J'en avais checké un ou deux, là, puis avec la mienne, on oubliait ça. Ben, bon. Bon, puis je vais y aller juste de quelques petits conseils rapides. Dans le cas d'un trépied ou d'un monopode classique, évidemment, il faut vérifier la taille maximale. Donc, une fois déployé, justement, si vous faites 1,80 m et puis votre trépied fait 1,40 m, et vous allez être souvent penché vers l'avant ou en tout cas... évidemment. Chaise. Oui, une chaise ou monter sur le dos de votre assistant. Un banc pliable. Mais bon, c'est ça. Évidemment, si votre sujet est bas, ben vous avez pas besoin de déployer le trépied à pleine grandeur, mais si vous faites de la photographie de paysage et tout ça, vous passez de longues minutes ou de longues heures à faire de la photographie. Si vous êtes toujours penché pour voir dans votre viseur, ça peut devenir assez embêtant à la longue. Là. Bon, puis au niveau des têtes de trépied, il y a la plupart, en tout cas, à partir d'une certaine gamme, là, ils sont munis d'un niveau, parfois de deux niveaux. Donc, selon l'axe dans lequel vous voulez prendre votre photo, ce qui peut être très pratique pour avoir l'horizon droit, notamment. Il y a d'autres têtes qui permettent d'installer ou d'enlever rapidement l'appareil du trépied, donc l'espèce de pince ou de clip que j'allais dire, là. Mais quick release, comme on dit. Quick release, c'est ça. Donc, ça peut permettre parfois de s'adapter rapidement à une situation qui change, d'enlever le boîtier du trépied plutôt que d'aller dévisser ou tourner des trucs qui en finissent plus avec deux mains. Le mien, là, ça me prend mes deux mains pour défaire l'appareil. Puis, pourtant, j'ai un trépied Manfrotto avec une bonne tête. Combiné ensemble, c'était au-dessus de 400$. Donc, pourtant, la façon d'installer ou d'enlever le boîtier, c'est pas optimal. Tu vois, moi, j'ai un Velbon à 75$, puis c'est 30 secondes, même pas, c'est 10 secondes d'enlever la caméra dessus. C'est à peu près une dizaine. La fixation, elle reste dessus. Super simple, c'est ça. Vraiment... C'est à peu près une dizaine de secondes, mais je me dis, ça peut être long selon la situation. Là. Tu dis, j'étais en train de prendre une photographie, mais là, mon enfant passe ou il se produit quelque chose, je voudrais prendre une photo. Le 10-12 secondes, parfois le moment est passé. Là, ça, Tu vois, avec le mien, c'est pas de l'enlever, c'est de le remettre qui est plus difficile. Okay. C'est quand je viens avec l'espèce de module carré qui est sous l'appareil, je viens le déposer, il vient jamais s'insérer correctement du premier coup. Faut que je joue un petit peu avec, puis là je peux le barrer, sinon l'appareil est pas solide, puis il pourrait tomber. Donc c'est pas à la sortie, c'est à la rentrée, donc c'est pas évident non plus. Parfait. Bon, puis d'autres facteurs à considérer aussi, le poids, mais par contre, plus votre trépied va être fait d'un alliage léger, plus le prix va monter en conséquence, et plus il est en mesure de se rétracter pour utiliser un minimum d'espace de rangement, ben plus il risque de coûter cher aussi. Et comme on disait aussi, le désavantage, c'est que plus il va se rétracter, moins il va être stable une fois déployé complètement, probablement. Ouais, parce qu'il y a plus de sections dans les pattes. C'est ça. Et quand vous magasinez un trépied, il faut vérifier justement le poids maximum supporté parce que, évidemment, tous les trépieds n'ont pas la même stabilité, n'ont pas la même capacité de poids. Donc, c'est un détail important à regarder. Donc, on va passer au petit truc de Christian. Ben, en fait, pas le truc, mais l'explication de l'EXIF. Qu'est-ce que c'est l'EXIF? E-X-I-F. L'EXIF, dans le fond, le terme exact, c'est Exchangeable Image File. Tout ce que c'est, dans le fond, c'est des informations qu'on a sur la photo qu'on a prise. Exemple d'informations qu'on peut trouver dans l'EXIF, il y a la vitesse d'ouverture, ça peut être la date, le temps, le type de caméra qui est utilisée, est-ce qu'un flash a été utilisé, la longueur focale, l'exposition, metering pattern, regarde. Honnêtement, tous les détails techniques, ils sont présents là. Il y a même, dans certains cas, comme moi, ma 7D, je peux mettre mon nom avec, tu sais, genre les droits réservés, etc. Toutes les informations peuvent être mises là-dedans. Les mots-clés, comme on parlait au dernier épisode. Oui, exactement. Moi, je trouve, en tout cas, ça a déjà été utile, particulièrement pour des photos que je regardais sur Flickr. Flickr, il y en a ceux qui laissent l'option qu'on vérifie, ben c'est intéressant parce que là, ça te permet, il l'a pris à telle vitesse ou, c'est comme ça qu'il a réussi à le faire parce que ça a été une très très longue exposition, ça te permet de découvrir beaucoup sur la photographie de quelqu'un d'autre quand tu peux voir c'est quoi les informations, fait que c'est intéressant quand la personne laisse son EXIF disponible, évidemment il y en a qui le cachent, ça c'est plus hâte, mais bon, qu'est-ce que tu veux, ils ont le droit, c'est mais pour, aussi, il y a beaucoup de cas où la vitesse d'obturation ou l'ouverture ou quoi que ce soit vous donneront pas nécessairement beaucoup d'informations sur la photo, mais il y a des cas où on se dit justement mais comment il a fait pour aller chercher cette photo-là ou comment il a fait pour donner un tel effet ou obtenir ça, ça peut être pratique, mais souvent moi ça m'est arrivé de regarder une photo puis de dire il y a rien vraiment spécial, il a pris à 105 mm à f2.8 puis ISO 200. C'est ça. Exactement. Puis, comme je disais, tu sais, aussi, ça peut être, c'est drôle. T'sais, l'EXIF permet aussi, exemple, sur Flickr, ça disait que la caméra qui est la plus utilisée, ben, c'est l'iPhone. Oui. Parce que, justement, l'EXIF a déterminé que c'est le plus de photos qu'on a, c'est iPhone. Tu avais, je pense, c'est la 5D Mark II, là, qui est un peu plus ancienne, qui, elle, aussi était pas mal utilisée. C'est ça te permet des statistiques un peu plus comme ça aussi, qui peuvent être intéressantes par rapport à ça. Mais honnêtement, c'est pas mal juste à ça que ça sert. Il y a pas vraiment plus de choses. Je sais que dans certains cas, ça te prend souvent les logiciels pour le voir parce que juste dans Windows, on on n'est pas capable de le voir. Il y a des exit viewers, vous avez juste à chercher sur Google, ils vont en avoir. Ouais. Des logiciels comme on a parlé la semaine passée, Lightroom ou Aperture, vont donner de toute façon l'opportunité de voir tout ton exit directement, Photoshop, etc. Donc, ça, c'est pas un problème, mais si vous le voulez, là, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Mm-hmm. Mais ça peut être intéressant et aussi important pour vos propres photos, justement, pour vos justement la notion de copyright et trucs du exact, genre. Vous laissez à la limite une adresse email. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai mon nom, j'ai mon adresse email s'il y a quelque chose. Mais encore là, faut que la caméra supporte le fait que tu puisses le mettre dedans, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce que j'ai vu aussi, c'est une discussion qu'il y avait parce que Barack Obama est le premier président américain à avoir pris sa photo officielle avec un appareil numérique. OK. Avant ça, Bush et autres avant, c'était un appareil argentique. Puis il y a eu une grosse discussion à savoir pourquoi le photographe avait pris telle longueur focale, telle ouverture et tout. Puis là, le résumé, c'était que c'était un très bon photographe parce qu'il avait pris vraiment la photo de la meilleure façon qu'il pouvait selon l'éclairage qu'il voyait dans la photo. OK. Donc, c'était juste une grosse, grosse discussion de Je l'avais pas vu, celle-là. 20 pages de monde qui disait « Oui, mais il aurait dû faire ça comme ça, mais comme ça. » Mais finalement, la conclusion, c'était que c'était un bon photographe. Puis il a pris ce qu'il pouvait avec l'éclairage. Puis en voyant ça, ben là, ce photographe-là vient de... se trouver des nouveaux contrats. Je suis pas trop inquiet pour lui. S'il a pris ce photo-là, il doit avoir déjà des bons contrats. Là, maintenant, c'est confirmé parce que les gens ont validé les valeurs de l'EXIF. On va maintenant aborder les nouveaux boîtiers qui ont été annoncés ou lancés récemment. Il y en a eu pas mal. Oui, c'est ça. Ben, cette semaine, c'était le Photokina à Cologne, en Allemagne. C'est, dans le fond, c'est l'équivalent de ce qu'on, le E3 pour le jeu vidéo ou le Consumer Electronic, mais c'est spécialisé photographie. Alors, on en a eu deux, cette semaine qui ont été annoncés. Pas nécessairement à cet endroit-là, mais préparé à ça. Il y a Canon qui ont annoncé leur 6D et Nikon a annoncé la 600D. C'est deux nouvelles caméras qui sont plein capteurs. Pour des prix assez raisonnables. Je dirais pas que c'est... Au début, les rumeurs disaient 1500$. Moi, j'avais des doutes là-dessus, mais je trouvais ça intéressant. On parle de 2100$ chaque, seulement le boîtier par contre. On parle pas de boîtier et lentille. Mais quand même, pour 2100$, pour un plein capteur, c'est... Mettons comme dans l'équivalent du Canon, je crois que c'est 1500$ de moins. C'est pas mal d'argent, là. Ils sont quand même relativement si différentes, les deux caméras. J'ai entendu des commentaires disant « Ouais, mais c'est plate, il aurait dû être plus proche. » Ouais, mais ils ont été développés en même temps. L'un ne pouvait pas savoir qu'est-ce que l'autre allait faire. Exactement. Il y en a qui donnent l'avantage à la Nikon. Je peux voir, mais en tout cas, je vais vous parler un peu rapidement là, des spécifications. La Nikon, on parle d'une caméra de 24 mégapixels. Un petit peu moins lourde que la 6D, mais elle est plus grosse. On parle de 39 points d'autofocus, 5.5 images à la seconde, à posséder un flash. On parle d'un ISO maximum de 6400 et deux d'emplacement pour des cartes SD. Avoir ça, c'est une très bonne caméra. Pour 2100$, ça a du bon sens. On parle pour un plein capteur, là, j'avoue que c'est intéressant. Pour ce qui est de la Canon 6D, c'est 20.2 mégapixels. On s'entend que rendu là, s'il y a 4 mégapixels de différence. Moi, j'ai 18. Moi, j'en veux 30. Ouais. Moi, j'ai 18. Oh, t'en veux 30, on parle de... C'est quoi? C'est la Hasselblad que j'ai vue qui est 30, 40 ou 50 mégapixels, mais c'est de 17 à 30 000 euros. Juste ça? Ouais. donc, c'est ça. 20.2 mégapixels, 11 points d'autofocus. Ça, j'avoue que je la comprends mal, là, cette décision-là de Canon. Parce que comme sur la 5D Mark III, il y a... C'est 51, 53, quelque chose comme ça. Il y en a quand même pas mal. Sur ma 7D, j'en ai 19. Non, c'est ça devrait être au minimum le même numéro que la 7D. Moi, c'est ça que je comprends pas. Là. J'avoue que... Il y a trop de découpes en quelque part parce qu'on va voir qu'est-ce qu'ils ont intégré aussi dans l'appareil. C'est faux parce que je vais donner un exemple très simple. Le système d'autofocus de la 5D Mark III et de la 1DX est exactement le même. Fait que c'est un peu artificiel, en tout cas, celle-là, je la comprends pas. C'est pas la fin du monde, parce que je la vois plus comme une caméra artistique. Je pense pas que c'est le genre de caméra avec laquelle tu vas prendre des photos de sport course, ou de course ou de tout ça. Je pense pas. Parce que d'autant... Dans mon cas, moi, d'avoir 11 points d'autofocus alors que j'en ai 9 en ce moment sur ma 60D, ça changerait pas grand-chose. Non, parce que j'ai l'habitude de toute façon, à la distance où les points se trouvent, je recompose souvent puis j'ai aucun problème. Ça, mais comme je disais, c'est pour ce qui est du sport, mm-hmm. Avec les zones que moi j'ai, ouais. Je trouve que c'est quand même plus commode d'en avoir plusieurs comme ça. En tout cas, mm-hmm. Regarde. C'est artificiel un peu comme différence de coût, fait que de la misère à comprendre. Ça dépend de l'utilisation et ouais. De l'expérience de chacun aussi. Ça fait c'est 4.5 images à la seconde, l'autre c'est 5.5. Bon, encore une fois, un petit avantage une con, mais c'est pas le genre de caméra, comme je disais, qui va faire du sport, fait que pas vraiment important. Pas de flash. Ça peut être pas fatigant. De flash intégré, ouais. Ça peut être un peu fatigant. Ben, le gros désavantage de ça, c'est que ça, je crois que ça permet pas de contrôler d'autres flashs. Exact. Donc, c'est tout à fait ça. C'est assez embêtant. ISO maximum de 51200. Je pense qu'il y a un mode supplémentaire, mais bon, regarde. À 102400. Ouais, mais bon, regarde, ça, c'est un avantage. Je sais pas. Je suis très, très curieux de voir quand on va avoir des photos, quand on va avoir des reviews entre l'un et l'autre. Moi, personnellement, ça serait une des raisons pourquoi j'irais plus pour elle, parce que moi, c'est des photos. J'aime ça prendre des photos de soir, de nuit, etc. Pas beaucoup de luminosité. Si elle a une meilleure performance que la 600D, le D600, c'est sûr et certain que, tu sais, en tout cas. Deux choses que l'autre a pas, par contre, le GPS et le Wi-Fi. Le GPS, bon, c'est intéressant. Ça permet géo-tagging, qu'on avait déjà parlé. Géolocalisation, ce qu'on peut avoir tout de suite. T'sais, on prend une photo à Montréal, ben on le sait, on prend une photo à Québec, on le sait, etc. Fait que ça, c'est intéressant. Le Wi-Fi, ça m'a surpris de voir ça. Sincèrement, mm-hmm. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Il parlait qu'on peut transférer des photos sur un téléphone, une tablette, des affaires comme ça, sur un site que Canon a déjà créé. Ça, je trouve ça très commode. Mm-hmm. Ça me plaît pas mal comme chose. Il n'y a malheureusement pas deux emplacements pour carte SD. Non, c'est dommage. Et aussi, le fait qu'il ait choisi SD au lieu de Compact Flash, ben moi, ça me pose aucun problème parce que j'ai choisi la 60D versus la 7D un peu pour Entre ça. Autres pour ça. Mais c'est un peu étonnant qu'il n'y ait pas deux emplacements de carte rendu à ce niveau-là, là, un boîtier à 2000$ et plus. Puis l'autre chose, ben par contre, elle a une meilleure batterie que la Nikon. En tout cas, si on regarde juste les spécifications, la Nikon semble meilleure. On attendra de voir les critiques pour voir les qualités d'image, etc. Tu sais, je veux dire, bon, je pense pas que c'est le genre de caméra qui va dire que moi, mettons, je vais tout vendre mon stock de Canon pour aller vers Nikon. Mm-hmm. La différence est quand même pas assez énorme entre les deux. On verra bien. Je trouve que c'est deux caméras très intéressantes pour le prix, par exemple. Absolument. Autant d'un bord que de l'autre. Si quelqu'un est sur Nikon et qu'il veut avoir une caméra pleine de capteurs à un prix raisonnable, définitivement, regardez dans cette direction-là. Moi, je pense que ça vaut la peine. Moi, je suis tenté par la 6D. Moi aussi. Mais le problème, c'est après, là, il faut s'acheter des objectifs plein capteurs. J'ai la chance que j'ai tout investi pour ça. Ouais, j'ai prévu le coup. Moi, j'ai acheté justement ma Sigma 1750 2.8, mais en me disant que c'était mon dernier objectif pour capteur rogné. Mm-hmm. Après ça, je me suis dit, je vais passer au plein capteur probablement. Par contre, c'est quand même un investissement de 800$. Oui. Donc, me dis, est-ce que je suis prêt à laisser tomber ça? Et encore là, si je vais avec un appareil plein capteur, puis que mon 60D me sert de deuxième boîtier, l'objectif que j'ai versus qu'est-ce que je vais m'acheter sur le plein capteur, je sais pas si ça vaut la peine parce que, en tout cas, ça sera une réflexion que je devrais faire. Petite réflexion faire, mais... qui peut être intéressante. Je disais que Canon vont faire un package, un ensemble, excusez-moi, la 6D avec la 24-105 pour, c'était... 800$ de plus. Considérant que l'objectif est 1600. Oh, oui, ça, c'est intéressant. Ça commence à être intéressant. Sinon, on parle, ça commence à être intéressant. OK. Ça vaut peut-être la peine. On parlait de 2900$ avec un objectif qui est très respectable. Bon, il y en a qui disaient qu'il y aurait besoin d'être remis à jour, là, ça fait un certain bout de temps, mais ça reste quand même un très bon objectif, là. Fait que. Je me demandais, en comparant les spécifications des deux modèles, Canon ont peut-être l'air d'avoir sous-estimé Nikon. Mm-hmm. Et peut-être qu'il va y avoir une mise à jour du micro-logiciel qui va rajouter des choses qui manquent, comme possible. Entre autres les points de focus. Je sais pas si c'est possible. Par micro-logiciel? Ouais, peut-être. Ça reste que ça doit être. Ça doit être juste une question logicielle. Je doute que ça soit vraiment. En tout cas, j'ai aucune idée. Je connais pas assez ça. J'avais entendu dire que le processeur de la 6D, c'était un des processeurs d'un modèle plus haut. C'est le DGX 5 Plus. Oui, exact. Mais, fait que techniquement, il devrait être capable. Il devrait être capable. Je sais pas. Peut-être qu'ils vont se virer de bord, justement, puis dire, ah, ben là, Nikon a sorti ça. Oh, attends, on va faire une mise à jour, puis on va rajouter quelque chose. J'ai mes doutes là-dessus. Ils sont pas du genre à donner des affaires comme ça gratuitement. Non, puis c'est long. Juste voir l'ISO maximum, l'ISO automatique maximum sur la 7D, ça a pris combien d'années avant d'arriver? Plus que 2 ans. Puis c'est ça, la 60D l'avait, il aurait très bien pu faire la mise à jour sur la 7D au moment où la 60D est sortie pour dire, ben écoutez, vous avez une 7D, on sort ça, mais on vous donne quand même l'ISO maximum. Mais je pense que t'as raison quand tu dis qu'ils ont sous-estimé Nikon, j'ai vraiment l'impression que pour ça, ils sont un peu plantés. Ouais. Ça veut pas dire que ça va être une mauvaise caméra, j'ai l'impression que pour le prix, pour le monde, ça va être parfait, mais il aurait pu viser un peu plus haut. Je pense là-dessus, je dois applaudir Nikon d'être allié... Parfait. Ensuite de ça... Je vais vous en nommer quelques-unes rapido, pas rien de spécial. Je vous conseille d'aller voir la Hasselblad Lunar. C'est le look qui est particulier. Oui, vous conseille ça, c'est assez spécial. Regarde, il n'y a personne ici qui va s'en acheter une, là. C'est 5 000 $, là, c'est quelque chose, mais le look est particulier, d'autant plus que, en tout cas... semble-t-il que c'est une Sony NEX7 rebrandée à Hasselblad à 5 000 $. Okay. C'est les mêmes components, puis ça chiale pas mal sur Internet. Il y a la Canon G15 aussi qui a été annoncée. L'ancienne était la G12, mais bon, ils ont passé le 13 parce que c'est mauvaise... de mauvaise chance, le 14, je me rappelle pas, il y a une autre raison, en tout cas. Okay. Parle d'une caméra 12 mégapixels, un zoom 5X, une ouverture de 1.8 à 2.8, fait que c'est quand même assez respectable, 10 frames par seconde, 10 images à seconde, vidéo 1080p, 500 $. Okay. Elle est grosse un peu, par exemple, je trouve, c'est pas petit. Oui, il y a certaines caméras Canon compactes, là, qui sont pas si compactes. Ouais. Ben, la suivante, c'est la S110. Elle est très compacte. Elle m'intéresse. Oui, moi aussi, elle m'intéresse. Oui, oui. Moi aussi, je suis 12 mégapixels, un zoom 5X de 21 à 120 mm, l'objectif de 2 à 5.9, c'est pas si mal. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, Wi-Fi, touchscreen, le Wi-Fi connect avec iOS ou Android. Okay. Ça m'intéresse pas mal. Vidéo 1080p, un écran de 3 pouces, mode manuel, stabilisation d'image, et RAW. Ce qui est quand même assez rare sur des petites caméras de même. 450 $. Ouais. C'est pas si mal, sincèrement. Je trouve ça quand même assez raisonnable. Considérant l'évolution de la série S100 et S90, c'est des très bons appareils compacts. Exactement. Mm-hmm. Puis, comme tu dis, le mot important, compact. Mm-hmm. Là, ça, c'est facile à glisser dans une poche, etc. Oui. C'est ça que je veux, moi. Celle qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure, la Fujifilm EX-E1. Objectif changeable. Viseur électronique seulement, par contre, contrairement à la X-Pro 1, qui est le modèle plus haut. 16 mégapixels. On parle de 1 000 $, 1 300 avec l'objectif. C'est pas si mal. XF1, qui est le bas de gamme, une compacte. Un beau petit look. Pas si mal. Encore une fois, un peu rétro. C'est comme, je pourrais dire, un espèce de cuir dessus qu'on peut avoir beige, rouge ou noir. Pas si mal. 12 mégapixels. Un zoom 4X de 25 à 100. C'est quand même pas si mal. L'ouverture 1.8 à 4.9. 500 $. Assez raisonnable. Olympus Stylus XZ2. Oui, j'allais justement le mentionner si tu le faisais pas. Ça, là, elle est pas petite. Mm-hmm. C'est pas minuscule. Ouverture 1.8 à 2.5. Mm-hmm. Très grande ouverture. Ouais. Zoom 4X, donc 28 à 112 mm. ISO 12800. Je le mentionne parce que c'est pas mal plus haut que la majorité. Mm-hmm. Vidéo 1080p, un flash, environ 600 $. Celle-là avec, je vais regarder l'œil dessus. Ouais. Pas si mal. Puis il y a la Pen EL5 aussi. Ouais. Parce qu'il y avait la Pen EL3 déjà sur le marché. Ouais. Puis d'ailleurs, bon, il y a un des deux modèles qu'on devrait être en mesure dont on devrait pouvoir faire la critique. C'est bon. Ben, c'est ça, il y en a deux. C'est PEN EPL5 et EPM2. Ah, c'est ça. Ils sont relativement assez semblables. Bon, on parle de 16 mégapixels, c'est un 4 tiers. Mm-hmm. 8 frames par seconde. Bon, il y a beaucoup d'affaires. Il y a quelques différences entre les deux caméras. Exemple, la PL5 a un écran touch qui te permet de flipper à 170 degrés, des affaires comme ça. Ça, c'est spécial. Il y a une poignée à l'avant, une grippe. Je sais pas comment on pourrait vraiment traduire ça, mais on peut l'enlever. Ouais. Je comprends pas trop. C'est qu'on peut la changer, je crois. Ouais, c'est ça. Changer la couleur ou quelque chose comme ça. C'est ça. Non, c'est je trouve qu'il y a quand même, tu sais, comme beaucoup de petites caméras intéressantes qui ont été annoncées. C'est pas des caméras qui sont nécessairement, si on parle d'entre 500-600$, j'ai pas ben gros abordé le marché des plus petites caméras parce que, bon, la quantité qui en sort dans cette catégorie-là, là, ça n'a aucun sens, là. On va essayer de faire de quoi à un moment donné avec ça, là, mais c'est vraiment pas évident. Non, là, je pense qu'ils en sortent 10 fois par année. Là, ça n'a aucun sens à la rapidité à laquelle que ça change ce marché-là. D'ailleurs, la EPL5, je vois, c'est ça, il peut avoir un ISO maximum de 12 800, ce qui est intéressant. Mais la vidéo est en 1080i, ce qui est assez rare. C'est rare. En tout cas, c'est ce que j'ai dans le communiqué de presse. Là, je trouve ça un peu étrange qu'il soit là en 1080i. Plus personne ou à peu près fait des appareils qui font du 1080. Non, c'est... Mais bon, mettre l'espace un peu, j'imagine. Probablement. J'imagine. Mais c'est ça. En tout cas, il y a plusieurs produits intéressants qui s'en viennent. Là. On verra bien si on n'est pas capable d'en avoir quelques-uns à tester. Ouais, on va regarder ça et on vous tient au courant. Donc, là-dessus, bien, on va terminer l'épisode. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Et justement, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Un peu partout. Twitter, Alexandre avec un 3 à la fin en place du E. D'accord. Je suis blogueur et fondateur du blog de Geek, donc blogue.net. Sinon, partout, là, Facebook. Facebook, par contre, c'est juste les gens que je connais en personne. Mm-hmm. Sinon, Google Plus. Google Plus, parfait. Bonne chance pour trouver le nom. faites une recherche. Sinon, j'avais le gplus.to/Alexandre, si je me rappelle bien. OK. Donc, c'est plus facile à se rappeler. Sinon, principalement Twitter, je te dirais. Là, mm-hmm. Ouais, tu es assez actif avec tes deux comptes. Ouais, Blog de Geek puis Alexandre 3. Ouais. Parfait. Donc, merci encore d'avoir été là. Ça fait plaisir. Et merci, Christian. Merci. Agréable comme toujours. En effet. Et de notre côté, vous pouvez, comme toujours, nous envoyer vos questions ou commentaires par courriel à podcast@objectifnumérique.com ou encore nous suivre ou nous écrire sur Facebook, Google+, ou encore sur Twitter. Twitter, c'est tout simplement Au Numérique. Et Facebook, Google+, c'est Objectif Numérique. Ça se trouve facilement. Enfin, et si vous appréciez l'émission, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur iTunes pour nous donner une note. Et bon, si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser quelques petits mots d'encouragement. C'est toujours très apprécié. 5 étoiles. Oui, d'ailleurs, Alexandre nous a donné 5 étoiles et c'est pour ça qu'on l'a invité. Non, c'est pas vrai. Donc, merci beaucoup, messieurs. Et puis, merci à vous de nous écouter. À la prochaine. Salut.